Deuxième entrevue pour le mois de janvier 2022 en compagnie de Berthold que vous voyez à l'écran. Ici David au micro que vous entendez. Et étant donné la situation particulière que nous connaissons sans précédent au Canada, donc avec le grand convoi qui se trouve présentement à Ottawa, et des gens d'un peu partout, hein, que ce soit la Colombie-Britannique, Québec, le Nouveau-Brunswick sont présents à cet endroit. On assiste à un moment historique, donc sans précédent, où des gens un peu partout sont unis au Canada pour s'affirmer face à des impositions de mesures là, qui ont cours depuis près de 2 ans. Donc beaucoup de gens sont opposés aux mesures sanitaires. Et là, on assiste à une réaction quand même assez grande. Et pour commenter cet événement d'ampleur internationale, parce qu'on entend parler un peu partout dans le monde, j'ai pensé aujourd'hui de discuter avec Berthold aussi de d'autres sujets. On peut parler de plusieurs autres rebondissements en lien avec la crise sanitaire qui a cours depuis plusieurs mois. Et aussi, bon, d'apporter des éclairages par rapport peut-être à des sujets un peu plus métaphysiques et également occultes, là, enfin, d'enregistrement. Et comme vous le savez, des fois quand je fais des entrevues avec Berthold, ben on aborde des sujets qui vont dans plusieurs directions. Mais je voulais quand même l'amener là à se prononcer, entre autres, en lien avec la crise. Et avant de débuter à proprement dit, je mentionne aux gens qui ont de l'intérêt pour Berthold, que j'interviewe une fois de temps en temps, parce que vous pouvez retrouver plusieurs des enregistrements que j'ai fait avec lui là, sur ma chaîne de YouTube, qu'il présente également une chaîne dont vous allez avoir les coordonnées là, en bas de l'enregistrement. Et qu'aujourd'hui, ça fait presque 2 ans, jour pour jour, que le livre se rapportant aux entretiens que j'avais fait avec Berthold a été sorti. Donc, c'était en 2020. Et pour les nouvelles personnes qui ont découvert là, ma chaîne de YouTube et également là, les enregistrements de Berthold, bien, ça peut être intéressant, si vous ne l'avez pas déjà fait, de prendre connaissance de cet écrit avec des transcriptions d'entrevues que j'ai faites avec lui où il était question essentiellement là, de conscience supramentale. Donc ça, c'était avant là, la crise sanitaire actuelle. Donc vous allez pouvoir retrouver le lien pour pouvoir lire ce document en PDF qui avait été produit par Issia Perrin, que je remercie encore là, d'avoir produit. Ça représente quand même plusieurs heures là, qu'elle a consacrées à faire les transcriptions d'entretien. Et sinon, je mentionne aussi aux gens qu'en bas de la vidéo actuelle, vous allez pouvoir cliquer sur un lien où vous allez pouvoir retrouver au-dessus de 150 enregistrements de Berthold qui sont entreposés sur le site web d'archivage archive.org. Donc, c'est des enregistrements en format MP3 que vous pouvez aller y écouter. Donc, c'est mon audiothèque de Berthold. Vous en avez aussi une là, sur Archive en lien avec mes enregistrements personnels où il y en a au-dessus de 500. Donc, vous en avez pour plusieurs heures. Donc, s'il y en a que ça intéresse. Sinon, ben c'est sûr que si vous appréciez les enregistrements que je fais au fil du temps et le temps que je consacre à ça, parce que quand même plusieurs heures, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Donc, l'annonce que je voulais faire en début d'enregistrement par rapport à ces différents éléments est faite. Donc, on va pouvoir débuter à proprement dit. Donc, tout d'abord, Berthold, ça va bien? Oui. Excellent. Et avant de... En fait, non, avant de commencer, étant donné qu'on est dans une ère où il y a beaucoup de censure, ce que je veux mentionner aux gens, c'est qu'il est possible que la totalité de l'enregistrement d'aujourd'hui soit diffusée sur Odyssey et que sur YouTube, vous ayez seulement un segment, donc une partie de l'enregistrement, tout dépendant là, les propos, étant donné qu'on est dans une ère où ce qui touche à la crise sanitaire, il y a un certain tabou qui se rapporte à ça. Donc, à une autre époque, ce qui était tabou, c'était de parler de sexualité, au temps où ce que la religion était en vogue, la religion chrétienne ici au Québec. Et là, aujourd'hui, c'est tout propos qui ne va pas dans le sens du discours narratif officiel qui est véhiculé par le gouvernement et ses agents relayeurs, c'est-à-dire les journalistes dans les médias de masse. Ça va être pointé du doigt, critiqué, censuré. Donc, étant donné cette situation, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez être certain d'entendre cet entretien au complet, eh bien, c'est de l'écouter directement là, sur Odyssey, qui est un espace de diffusion web à l'heure actuelle où je n'ai jamais été censuré. Donc là, présentement, en ce début d'année 2022, ça fait plusieurs mois que je m'y trouve. Et j'ai toujours eu la carte blanche là, en termes d'expression. Et c'est un espace de diffusion web là, qui, à mon avis, gagne à être connu. Vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs de nombreux lanceurs d'alerte là, qui vont dénoncer des choses en lien avec la crise. Donc, ceci dit, là, c'est vrai, là, j'ai fini mes préambules puis mes annonces de début d'enregistrement. Donc, tout d'abord, je voulais t'amener à t'exprimer sur qu'est-ce qui se passe, la perception que tu en as en lien avec cet événement sans précédent là, de manifestation de camionneurs et de gens de la population à Ottawa qui sont opposés aux mesures sanitaires. Ben, ce que j'en pense, je suis persuadé que la majorité des gens qui sont là-dedans sont de bonne foi, mais je suis persuadé que ce sont des agents doubles qui ont organisé ça. Sur les médias sociaux qui ont fait des annonces pour que les gens se réunissent à l'événement? Ben, c'est pas nécessairement des gens qui sont en pleine lumière, mais ils peuvent influencer des meneurs à leur insu. Mais je suis persuadé que tout ça, c'est y a quelque chose qui va être très décevant là-dedans. OK. Bien, c'est sûr, c'est en fonction des attentes, là. Donc, l'événement a été présenté par plusieurs comme étant le convoi de la liberté. Donc, c'est sûr que si les gens s'attendent que ce convoi de gens qui se réunissent à Ottawa va permettre à tous les Canadiens de retrouver leur liberté d'avant-crise de la COVID, bien, c'est sûr qu'en mettant la barre aussi haute et que toutes les mesures tombent, que ce soit le port du masque, l'obligation obligatoire de l'injection pour rentrer dans les commerces, le passeport aussi injectable, bien, si les gens ont des attentes de cette envergure, c'est sûr qu'ils s'exposent à des déceptions inversement proportionnelles. En pire que ça, dans le sens que possiblement qu'on va sortir d'une crise, si on peut dire, on va rester, ils vont garder les outils liés à ce qui a été induit dans l'inconscience collective par rapport à des réflexes liés à la peur de la pandémie. Ça va rester conservé, mais je pense que nous allons progressivement sortir d'une crise sanitaire, entre guillemets, pour entrer de plus en plus dans une crise économique. Et que, justement, ça fait partie d'un ce qu'on pourrait appeler un peu une opération écran. Une opération que certains vont appeler faux drapeau. Ben non, pas jusque-là, mais dans le sens que ce qu'on pourrait voir comme une espèce de contre-feu stratégique, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a certaines énergies qui sont détournées vers ça. Mais il reste que... Étant donné qu'il y a une grande partie de ça qui vient des États-Unis, entre autres, et puis aussi le fait que, même si c'est clair que ça va nuire à long terme, à mes yeux, à moi, ça va être instrumentalisé, retourné contre les gens. Oui, bien, d'ailleurs, on voit l'opération médiatique au moment où ce qu'on se parle, qui est fait par les médias de masse pour diaboliser les manifestants à Ottawa, donc, sont décrits là, comme étant des anti-injections, des gens d'extrême droite, des pro-Trump. Il y en a. Mais de dire que c'est. Ils sont connus, ils sont présents là-bas. Oui, c'est sûr qu'il y en a, mais de dire que c'est l'ensemble des gens qui sont là-bas, c'est pas représentatif. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on cherche à discréditer l'ensemble des manifestants en les associant à des gens radicaux, extrême droite. Ils sont là, traités c'est aussi de parce que complotistes, si naturellement. on veut jouer ce jeu-là, des gens d'extrême droite, il y en a aussi qui vont dans le sens de ce qui est officiel. Donc, ça n'a rien à voir. Mais il reste que au Canada, souvent, les groupes d'extrême droite qui ont existé, c'était des montages, notamment liés à la GRC et au SCRS. Donc, possiblement qu'encore aujourd'hui, il y a certains chefs d'extrême droite que c'est entièrement du théâtre, c'est des agents doubles, puis c'est eux qui, au fond, qui vont. C'est clair que faut jamais penser que réellement, là, il y a des gens là, qui sont des vrais, de la vraie extrême droite là, à notre époque, là, j'en ai jamais vu. C'est du business ou c'est des opérations comme ça. Comme on a eu là, dans les années 80, là, dans l'ouest du pays, il y avait des groupes de suprémacistes blancs. En fait, c'était des agents doubles là, du SCRS et de la GRC qui servaient à attirer les gens qui avaient tendance à l'extrême droite vers eux pour des raisons d'information, Oui, ben, d'opérations, de renseignement. exactement. Ben, ça me faisait penser ton propos lorsqu'il y a eu des manifestations intenses aux États-Unis de gens qui s'opposaient à la guerre du Vietnam dans les années 60. Il y avait des gens, des forces armées américaines qui avaient infiltré ces rangs-là. Donc, si ça s'est produit à cette époque-là, ça peut se produire aujourd'hui. Puis là, ben, c'est sûr que la question se pose à savoir, est-ce qu'il y a des lanceurs d'alerte présentement qui font la promotion de l'événement à l'Ottawa qui sont justement des gens qui sont infiltrés puis qui font partie de l'opposition contrôlée? Ben, en fait, je pense qu'il y a des gens qui sont sous influence, qu'il y a des gens qui sont manipulés à leur insu, mais des vrais, vrais traîtres, là, des vrais agents doubles, là, eux, habituellement, ils sont pas en pleine lumière, c'est assez rare. Mais il reste qu'il y a des gens sincères là-dedans qui sont manipulés. De ça, je suis persuadé, parce que moi, j'ai reçu des renseignements comme quoi il y aurait des camionneurs qui sont... Ils sont convenables au niveau des mesures, là, puis de leur passeport, puis ils se font refouler quand même à la frontière. Donc, est-ce que réellement, là, c'est quoi? Est-ce qu'on ne va pas arriver, dans le fond, à une pénurie planifiée, puis on a des gens qui vont servir de bouc émissaire? Ben exactement. Là, c'est sûr que là, les camionneurs n'étant pas considérés comme étant adéquatement injectés par les autorités à la frontière, bon, ben, c'est sûr qu'ils vont se faire pointer du doigt en disant, ben, c'est à cause d'eux autres s'ils manquent de nourriture sur les tablettes, advenant le cas. Et ça veut dire que le gouvernement fédéral aurait tout intérêt à laisser traîner les choses et qu'au fond, ce qui se passe en ce moment à Ottawa fait leur affaire. Oui, parce que s'ils réussissent à relayer l'opinion publique avec les médias de masse, et à mon avis, présentement, l'un des principaux enjeux, c'est l'opinion de l'ensemble de la population canadienne, à savoir est-ce que les gens en général vont se rallier derrière les manifestants opposés aux mesures sanitaires ou au contraire voir en eux des gens qui sont dangereux, qui sont des menaces pour justement la chaîne d'approvisionnement. Ben, ce qui arrive, c'est que si on a décidé, admettons là, que tu planifies une crise, Oui. puis qu'après tu veux te couvrir, ça va être en sortant d'une crise pour entrer progressivement dans une autre crise. Donc, si nous sortons d'une crise sanitaire pour entrer dans une crise économique qui va être suivie par une guerre à l'international, ben, ça prend des boucs émissaires, ça prend des opérations comme ça. C'est pour ça. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord disait agiter le peuple avant de s'en servir. Lui, qui était un anglophile, était très au courant de ces tactiques-là. Ça n'a pas changé. C'est dans le sens, si on prend l'Empire britannique, comme dans le temps des rois Georges, c'est le même genre de tactique. Donc, c'est exactement ça. Moi, je le vois comme ça. Puis c'est même typique, là. C'est pas surprenant de voir ça au Canada. Là, ils sont en train justement de vouloir faire des amalgames avec ce qui est arrivé au Capitole aux États-Unis. Alors que ça n'a rien à voir là. C'est plus gros ce qui est en train de se passer à Ottawa, au fond. Oui, exactement, là. Donc, c'est sûr que le parallèle que certains journalistes cherchent à faire entre les événements là, au Capitole là, de janvier 2021, où on a décrit ces gens-là comme étant des pro-Trump qui ont envahi le Capitole, qui ont saccagé même là, certains lieux. Donc, il y a des gens qui imaginent que c'est la même chose qui va arriver à Ottawa, puis qu'il pourrait y avoir des commerces qui soient saccagés, entre autres, là. Ben, ce serait surprenant, là. Ce serait très surprenant. Les Canadiens sont difficiles à agiter. Ils sont naïfs, on peut les diriger dans le sens de les influencer, mais les rendre violents, là, à ce point-là, c'est très difficile. C'est plus difficile. Les Canadiens n'ont pas le même tempérament, tout à fait. C'est pour ça que quand près de la frontière, là, il y avait aux États-Unis dans le temps, là, dans les années 70, certains vols de banque, les policiers américains demandaient aux gens qui étaient sur place, les clients qui avaient subi le hold-up, disaient, est-ce que les assaillants étaient polis? Parce que si les gens disaient oui, ils étaient polis, puis ils nous remerciaient de collaborer, là, ils savaient que c'était des Canadiens. Bien, ce que tu me dis, ça ne me surprend pas, dans le sens que sur le plan historique, qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers siècles aux États-Unis? Donc, lorsque les Américains sont détachés de la monarchie en Angleterre, de la reine, et qui ont proclamé leur indépendance, eh bien, les loyalistes qu'on appelait se sont dirigés vers le nord, donc des États comme le Maine, le Canada. Et par rapport à ça, ben, ce qui arrive, c'est que le Canada, c'est une monarchie constitutionnelle et que les gens qui avaient la besoin de l'autorité, de la royauté pour savoir quoi faire, puis se référer à eux comme figure d'autorité, allaient vers là. Donc, c'était des gens qui étaient gentils, doux, dociles, qui donnaient de l'importance à une autorité extérieure à eux, tandis que les Américains ont dit, tassez-vous, là, c'est fini la monarchie, puis on devient indépendant. Donc, c'est une autre approche. Bon, là, il ne faudrait pas non plus confondre la docilité avec des gens policiers ou maniérés, des gens très polis ou très protocolaires, parce que au fond, il y a des criminels qui sont allés au nord, tout simplement parce Aussi. qu'ils s'identifiaient à la monarchie et avaient le même genre de modus operandi dans leur façon d'agir. Donc, si tu prends au Canada, on en a là, des gens qui sont très, très posés dans ce qu'ils disent, très maniérés, très sophistiqués. Et pourtant, si on analyse leurs propos, ils sont encore plus violents, encore plus agressifs, encore plus méprisants. La politesse peut aller de pair avec un grand, grand mépris. Oui, aussi. Moi, je considère que c'est pire. J'aime autant la vulgarité de la franchise que l'hypocrisie d'une grande, grande politesse. Oui, c'est sûr que vu comme ça, mais quand que je regarde la situation présente, l'une des particularités en lien avec ce qui se passe à Ottawa. Puis je voulais t'entendre là-dessus. Donc, c'est que, à la différence de d'autres manifestations, parce que depuis 2 ans, il y a eu de nombreuses manifestations. Si je pense à l'été 2021 au Québec, il y a peut-être eu 50 000, 100 000 personnes qui se sont réunies pour marcher à Montréal, silence radio des médias de masse. Et là, j'écoutais récemment un bulletin de nouvelles et il était question en entrée du bulletin de nouvelles comme sujet principal, prioritaire abordé, qu'est-ce qui se passe en Ottawa? Donc, les médias parlent des manifestants alors qu'autrefois, c'était silence radio. Ben oui, mais là, c'est ça, c'est différent. J'ai réellement l'impression que c'est une opération où l'énergie de la masse qui est là-bas va servir à nuire à justement ce que ces gens-là voudraient mettre de l'avant ou protéger. Comme on a beaucoup montré Justin Trudeau comme quelqu'un d'apeuré qui se cachait, alors qu'à mes yeux, il s'est retiré dans un QG puis ils sont en train d'étudier la procédure de leur plan. Tout simplement. Il a pas peur de personne, là. C'est un effronté. Pourquoi il reste caché puis il aurait peur? Au contraire, ça fait leur affaire, ça. Ils ont juste à se déplacer ailleurs. Puis, non, c'est comme là, il était censé faire une sortie aujourd'hui. Il était un point de presse, possiblement qu'il va le faire quand même. Mais là, Peu avant, il avait annoncé qu'il s'isolait à cause du COVID, d'un cas de contact. Aujourd'hui, il annonce qu'il a testé positif. Puis, mais, ah, mais je suis pas mal sûr que Justin est avec. Est en ce moment en train de réviser ce qu'il va faire parce qu'il suit un plan. Moi, à mes yeux, je suis persuadé qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard là-dedans. C'est une opération, notamment là, de manipulation de l'opinion publique, des médias, mais aussi les plus manipulés là-dedans, c'est ceux qui fournissent l'énergie, c'est-à-dire les gens qui sont là-bas. Puis, je pense pas que ça peut retourner, qu'il va en sortir quoi que ce soit de bon pour au niveau des droits, là. Et liberté, au contraire. Puis même par rapport, si on prend, c'est un peu comme j'avais dit pour le Québec, là, il va y avoir possiblement une sortie peut-être de l'état d'urgence prochainement, mais ça tombe où certains décrets vont devenir officiellement des lois. Et ça devrait être voté, là. Donc, c'est les mêmes processus, là, que ce soit au provincial ou au fédéral. Donc, c'est possible que ces gens-là, à Ottawa, vont servir à faire en sorte que certains décrets deviennent des lois permanentes, parce qu'ils vont servir de prétexte. Oui, ben c'est sûr qu'en lien avec ça, moi, ce que j'ai l'impression qui risque d'arriver avec le passeport là, injectal, qui est la porte d'entrée pour l'identité numérique et également un crédit social à la chinoise où que chaque personne est contrôlée, ben ça que ça reste. Dans le fond, si demain matin il y a une sortie de l'état d'urgence, moi j'ai l'impression que nos dirigeants vont dire au cas où il y aurait d'autres vagues importantes de virus, au cas aussi qu'il y aurait une menace terroriste, ça pourrait être aussi un prétexte, ou la menace écologique, mais ben à ce moment-là, on pourrait justifier en relation avec ces menaces hypothétiques la traçabilité de chaque citoyen dans ses déplacements et l'observation de ses interactions là, au niveau financier et en lien avec ces différents comptes électroniques, là, que ce soit son dossier de santé, également là, son permis de conduire, et ainsi de suite. Mais ben, faut pas oublier qu'on est de la ressource. On est une colonie, on est de la ressource. Donc, l'affaire, là, de justement, là, de vouloir suivre notre santé, puis ça fait partie de ça, là. En Chine, c'est les gens sont beaucoup moins contrôlés qu'on le pense. Ils sont beaucoup moins contrôlés qu'ici, au fond. Si on regarde la Chine à la grandeur, là, comme. Oui, ben en fait, ce que je vais rajouter dans mon propos, le crédit social, c'est dans certaines zones de la Chine, c'est pas présentement l'ensemble. Et en lien Non. avec la Chine, la journaliste indépendante Julie Lévesque, qui, à mon avis, présentement au Québec, est l'une des rares journalistes qui vont faire un portrait de l'actualité, qui va aller dans à l'encontre du narratif ou dénoncer des choses. Elle intervient là, souvent là, sur Facebook là, en lien avec la Fondation des droits et libertés du peuple. Bon, ben elle a fait un séjour en Chine et au début de la crise, alors qu'elle était en Chine au début de 2020, il y avait des mesures, mais ce qu'elle racontait, c'est que rapidement, la situation en termes de contrôle social, quand elle est revenue au Québec, elle a eu un choc parce que les mesures étaient plus drastiques ici qu'en Chine où elle se trouvait. C'est certain. C'est occidental, ces techniques-là. C'est occidental. C'est pas, ça vient pas de rien ou de. Même si on regarde au niveau là, de quand il y a eu la dictature de Staline en URSS, c'était des idées occidentales. C'est parce qu'au fond, c'est un peu l'Orient, là, si on parle de la Géorgie, d'où venait Staline, puis ces choses-là. Mais c'est occidental, ça, ces histoires-là, de numéroter les gens, de standardiser. Le côté bureaucratique, c'est occidental, ça. Je veux dire, il y a toujours eu une administration en Chine, c'est dans les plus vieilles administrations. Mais c'est pas pareil, là, c'est pas la même. Ici, c'est vraiment comme une colonie, dans le sens que nous sommes de la ressource humaine. C'est lié à ce qu'on a appelé, c'est une physiocratie, le Canada, dans le sens de des physiocrates. C'est-à-dire, c'est lié aux bancaires, entre autres. C'est une vision qui vient d'Écosse, d'Angleterre, et c'est difficile à expliquer maintenant, dans un contexte de maintenant, parce qu'on est né dedans. Mais c'est typiquement occidental, ces façons-là de faire. C'est comme une crise économique. On essaie de nous faire croire que c'est un phénomène naturel lié à des réactions en chaîne, puis des causes à effet. Puis comme on va essayer de nous faire croire que là, possiblement, il va y avoir une pénurie de certaines choses. Mais c'est parce que des gens l'ont décidé et planifié. C'est eux, les physiocrates. C'est de la vision physiocrate. On va dire aux gens, aux masses, que l'économie est un peu comme la nature et que les valeurs circulent dans l'économie un peu comme le sang dans un corps. Puis là, il y a différents organes. Alors que une fois qu'on est initié à c'est quoi une vision physiocrate de l'intérieur, tout est décidé, tout est planifié. Même les crises. Et à ce moment-là, on peut dire que ce qui nous apparaît comme étant des erreurs stratégiques qui auraient été commises, parce que certains évaluent en lien avec ce qui se passe à Ottawa comme étant le fruit d'une erreur stratégique qui aurait été faite par Justin Trudeau en demandant lorsque les gens soient adéquatement injectés là, dans l'industrie du camionnage pour passer la frontière, et que certains évaluent qu'ils ne s'attendaient pas qu'il y ait autant de monde qui serait présenté à Ottawa, là. C'est juste des prétextes parce que Justin Trudeau, c'est quelqu'un qui est en représentation. C'est pas un vrai décideur. C'est quelqu'un qui applique des décisions faites par des comités que nous, on voit pas. Mais Justin Trudeau, son travail, c'est pas de prendre des décisions, c'est de les appliquer puis de servir de. C'est lui qui va, comme par exemple, c'est lui qui va servir de bouc émissaire jusqu'à un certain point, mais ça. Il le sait, puis ça fait partie de son travail, si on peut dire. Parce que, à leurs yeux, à long terme, leur projet est plus grand qu'eux, quelque part. On a affaire à des gens qui sont idéalistes, quelque part. On a l'impression, des fois, que c'est des cyniques, mais ce n'est pas le cas. Ils croient à ce qu'ils font. Leur vision est tellement grandiose à long terme que même les individus ont peu de valeur, là, à leurs yeux. Oui, ben L'important, c'est ça. ils remodèlent le système, ils remodèlent la société, ils sont persuadés que c'est nécessaire. Oui, exactement. Un petit peu, ça me fait penser à l'influence, là, c'est sûr, du Forum économique mondial avec les objectifs globaux, les Global Goals en anglais, avec l'agenda 2030 où on cherche à remodeler la société. On dit c'est pour que chacun ait accès à l'éducation, ensuite la nourriture, la justice, etc. Puis la quatrième révolution industrielle, que ça soit mis en place, puis ça va améliorer la société. Mais c'est sûr que moi, j'imagine Justin Trudeau sous l'influence du Forum économique mondial, ensuite les Bilderberg, différentes commissions à caractère internationaliste qui visent à amener un agenda qui va effronter, ben, qui va effronter, c'est-à-dire qui va réduire les libertés individuelles ou le nationalisme. Oui, mais c'est parce que au niveau de la vision de certaines personnes, c'est de l'illusion, là, les libertés individuelles, dans le sens que on n'a même pas la capacité de réaliser à quel point notre condition, ce qui est la condition qui est la nôtre, notre réelle condition, c'est toutes ces libertés-là, c'est des illusions au fond. À leurs yeux, à eux, nous, on vit dans l'illusion que eux, ils sont en train de remodeler, là. Donc, ça a peu de valeur là, pour eux. Dès là qu'il est question de liberté, d'égalité, c'est toujours des concepts abstraits qui visent à sortir les gens de la réalité. On tombe dans l'abstraction de l'idéalisme. Oui, exactement. Les gens sont manipulés par ces éléments en tant que croyance. Et c'est sûr que ça me fait penser, entre autres, à l'écrivain international là, qui vient d'Israël, là, Noah Harari, là, qui écrit le livre Sapiens, puis j'ai écouté récemment le livre audio. Lui, ce qu'il disait, c'est que tout le développement de l'humanité actuelle est en relation avec des consensus, en relation avec des croyances imaginaires. Puis c'est ça qui crée Bon, des là, faut faire solidarités. attention, là. Parce qu'un sapiens, c'est un anthropoïde sophistiqué, c'est une sorte d'homme des cavernes, un peu une sorte de singe socialisé. Puis là, faire attention, là, aussi de pas essayer de. Parce que là, il y a quelque chose là-dedans d'extrêmement diminutif, là. dans le sens que il n'y a pas juste des illusions dans l'idéal humain auquel un être humain peut aspirer. Il y a Non, des non, forces évolutives là-dedans. c'est sûr que C'est pour lui, ça là, qu'il y a il n'y des a pas fois une des gens vision là, qui sont métaphysique ou issus supramentale. de cultures liées, entre autres, à la cabale, à ces choses-là, de faire très attention. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas une vision supramentale. Lui, il y a une vision où ce que, bon, c'est pas un croyant religieux, où il y a pas. Pour lui, dans le fond, mais je trouve ça quand même intéressant comme point de vue à aborder avec toi. C'est l'idée que, dans le fond, l'homme actuel, à différence du Néandertal puis d'autres hominidés, ce qui a permis son émergence, puis dans le fond, a amené sa suprématie à la surface du globe, c'est le fait qu'il adhérait à des croyances collectives qui ont amené des solidarités, puis c'est en lien avec ces croyances-là Quoi? abstraites. Tu penses que les Néandertaliens n'avaient pas de solidarité, puis qu'ils n'avaient pas leur culture, puis leur société? Je dis pas ça, mais que c'était pas aussi sophistiqué que ce qui va rallier des gens à travers un culte à un dieu ou à la croyance et la valeur qu'ils donnent au concept d'argent. Ben, il y a des tombes d'hominidés qui avaient, il y a clairement dedans des traces de rites, puis ils rattachaient le sacré à la couleur rouge, puis on voit qu'il y a eu un. Ils enterreraient leurs morts dans des positions fœtales, comme pour les remettre dans la mer universelle pour une renaissance. Il faut pas non plus, faut pas oublier que c'est pas le nécessairement, ça vient pas de nous nécessairement la spiritualité. Possiblement que ça existait bien avant. Même les animaux, jusqu'à un certain point, semblent avoir en eux d'inscrits un certain. C'est surprenant là. Moi, à mes yeux, l'animisme vient de. C'est une forme de religion qui, si on peut dire, un peu comme une pré-religion, une proto-religion, si on peut dire, mais la spiritualité, à mes yeux, elle n'est pas abstraite, là, elle fait partie de la nature de la vie. Donc, je sais pas, là, l'être humain, là, on dit, ah, ben, il est sophistiqué, puis là, il y a eu des phases. Puis, personnellement, l'idée, là, les âges, là, comme qu'il y aurait eu les Néandertaliens, puis tout. Je suis très, très, très sceptique. Il n'y a rien qui ne prouve pas que l'être humain actuel n'existait pas déjà à l'époque, puis que certaines civilisations génétiquement un peu différentes se sont pas côtoyées, puis que ce ne serait pas tout simplement nous qui aurions exterminé les autres. Plus que l'idée d'une évolution. Je suis très, très, très sceptique. Ben en fait, ça pourrait être sujet de discussion. Je vais réajuster mon propos, en fait, parce que la base de ce qu'il mentionnait, c'était que l'être humain, par rapport aux autres espèces qui existent à la surface du globe et non pas par rapport aux autres types d'hominidés, là. Donc, lui, ce qu'il disait, c'est ce qui a permis, dans le fond, le développement puis la croissance de l'humanité, c'était le fait que les gens s'appuyaient sur des croyances imaginaires qui amenait les gens à collaborer ensemble, à faire des projets. Puis c'était comme le fondement du développement humain. Bon, là, c'est quoi l'affaire d'une croyance imaginaire? Ben. Techniquement, là, c'est tout le temps imaginaire une croyance. Si on est polarisé entre le doute et la croyance parce qu'on ne sait pas. Donc, on remplit le vide avec de l'imagination, là, je suis d'accord. Mais il y a une différence entre une croyance et un idéal. Oui. Donc, l'affaire de croyance imaginaire, puis de faire très attention, comme je dis, à certaines pensées qui viennent de gens issus de certaines cultures qui nous ont apporté la cabale, notamment. Parce qu'ils ont une vision kabbalistique du monde. Puis c'est là où, étant donné que le kabbalisme est une façon de prévoir, de calculer tout, puis de tout synthétiser, de tout, de faire attention. Parce qu'il n'est pas dit que c'est peut-être pas eux qui sont dans de la croyance imaginaire, qui prennent pour des réalités en nous apportant certaines choses, certains concepts comme ça, que c'est rien d'autre que de la philosophie. Oui, bien, quoi qu'il en soit, si je me trompe pas par rapport à Yuval Noah Harari, parce que j'ai écouté ses livres audio, de ce que je comprenais, c'est qu'il y avait plus une perspective athée, où ce que, dans le fond, pour lui, tout ce C'est qui est ça, je dis, c'est de la transcendant. philosophie. L'athéisme, ça vient d'où? Bonne question, je ne sais pas. Ben, c'est de la philosophie. On est dans des branches philosophiques. C'est-à-dire, on est dans. C'est pour ça là, que moi, je décroche tout de suite. La philosophie, là, j'en ai soupé.

Donc, l'affaire, là, oui, je suis d'accord que tout, par exemple, comme le droit pénal, puis il a fallu codifier les choses pour vivre en société, puis ça fait partie de l'histoire des civilisations. Ça, je suis d'accord. Mais il reste que les droits de l'homme. Ben oui, je suis d'accord que c'est tout de l'hostie de marde. Ça vient de des histoires Ben, attends une minute, je dis pas ça. Moi, je trouve que ça a Je sa parle au fonction, niveau de les la droits de l'homme. forme. OK. Moi, je te parle au niveau. C'est sûr que c'est tout imaginaire, mais il faut la coordonner, l'énergie. C'est-à-dire que c'est correct qu'il y ait des formes pour structurer ça. Sinon, ça va être le chaos, là, en société. Dans le sens, c'est là que je considère l'être humain, il me fait pitié, en particulier des messieurs de la race dont tu me parles. Parce que il a fallu graver dans la pierre, ben tu tueras pas, c'est pas correct. Tu fourreras pas la femme du voisin, tu ne voleras pas. Quelle sorte de personne on est obligé d'y graver ça dans la pierre pour qu'ils se rendent compte que ça a de l'allure ou ça a pas d'allure? Justement, des êtres comme ça que, justement, ils sont dans de l'imaginaire, ils ont besoin de l'imaginaire parce qu'ils voient pas. Ils voient pas que ça a pas d'allure. C'est pas normal d'être obligé de civiliser de force des gens. Il a fallu créer le droit pénal, puis tout ça, de dire, ben là, tuer le voisin pour fourrer sa femme, puis voler ses affaires, c'est pas correct. Il a fallu graver ça dans la pierre, en faire des commandements. Non, non, mais je veux dire, il y a un développement progressif de l'éthique au sein de l'humanité qui s'est inscrit avec des lois qui se sont construites Comment au fil ça, du temps. progressif? C'est ça que je comprends pas. Le premier, là, si on peut appeler là, quelqu'un dans le temps un prophète, là, lui, là, tout d'un coup, il avait un éclair de lucidité, il avait une fulgurance, puis il voyait. Il voyait ce qui était réel, puis ce qui ne l'était pas. Donc, il voyait que c'était pas correct. Puis là, lui, il a gravé dans la pierre, ça, c'est pas correct pour ceux qui ne voient pas. Et où le progrès puis la sophistication, elle existe juste dans ceux pour qui ça a été gravé sur la pierre. Mais ça existait en dehors de la forme pareille, en tant que réalité, en tant qu'intelligence réelle. Oui, ça éduquait dans le mental des initiés qui ont amené ces concepts-là à ce qu'ils soient gravés dans la pierre, entre autres. Mais eux, ce qu'ils voyaient, c'était pas des concepts. Des concepts pour le monde. Non, non, ben c'est ça, ils ont traduit ça d'une manière simplifiée et vulgarisée, pour que ce soit accessible à la masse. C'est parce que, justement, au niveau des lois de la vie, pour que l'esprit, si on peut dire, fasse la conquête du plan matériel, ben, ça prend des formes de plus en plus harmonieuses. Mais il ne faut pas que les formes soient une fin en soi. C'est pour ça qu'à un moment donné, on est pris pour détruire des formes. Puis là, c'est pour ça qu'il apparaît tout d'un coup un monsieur qui dit, ah, oh, c'est de l'imaginaire. Ben oui, mais. Mais non, mais dans le fond, lui s'inscrit dans une perspective d'un détachement par rapport à certaines formes, parce que là, ce qu'il parlait, c'est que les gens ont délaissé le concept de Dieu pour se rattacher à celui des droits de l'homme. Mais oui, mais Christ, c'était ça le but, c'est ça qu'ils ont voulu. C'est qui a créé les droits de l'homme, qui a écrit les droits de l'homme? C'est les loges franc-maçonniques. C'est eux autres, comme Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, lui, il a fait partie de ces affaires-là, il a même écrit un des articles dans l'Écossin des droits de l'homme. C'est sûr, eux autres, ils voulaient remplacer Dieu par Une une vision autre forme. humaniste de... C'est ça, l'humanisme, dans le sens, c'est plus Dieu, c'est l'humain. Ça veut pas dire que ça a plus d'allure. Ça peut pas avoir plus d'allure. C'est impossible. Ça peut juste pas avoir pas de crise d'allure. Puis là, on est rendu à un point, là, ils veulent défaire ça. Ils viennent de se rendre compte qu'on est des pas d'allure, puis on va aller vers de quoi? Il y a encore plus pas d'allure, tant qu'à moi. C'est ça, mais je veux quand même Mais tu apporter sais, des c'est sûr, moi, nuances. tous les droits de l'homme, je trouve que, bon, ça fait dur parce qu'on n'avait pas vraiment besoin de ça. Ben, c'est parce que ça dépend. Je t'explique, dans un contexte où plusieurs personnes sont inconscientes, ça prend comme un encadrement Pourquoi minimal. sont inconscientes, donc? Il y a plusieurs variables, c'est-à-dire que... Regarde, là, Denise Bombardier, elle a encore écrit une chronique aujourd'hui. On voit ce que ça a donné de mettre plusieurs milliards de dollars à rendre public l'enseignement. On voit que ça n'améliore pas. Mais oui, mais Chris, comment ça se fait que le monde est inconscient? Parce que c'est voulu. Parce qu'il y a du monde qui se sont arrangés pour que la masse soit inconsciente puis qu'elle le reste. ceux qui les initiaient, ceux dans le sens de les initiants en guillemets, ceux qui ils ont la connaissance de comment détourner et structurer des formes pour détourner l'énergie. C'est eux autres qui ont écrit les droits de l'homme, puis c'est eux autres qui font que les juges y sont nommés, ne sont pas élus. C'est sûr que l'élite planétaire va toujours chercher à se maintenir au pouvoir en s'assurant que les gens de la masse soient dans l'ignorance de manière à garder une ascendance sur eux, une longueur d'avance. Ben oui, c'est des initiés de la connaissance, donc c'est par l'ignorance qu'ils gouvernent. C'est ça. Tant que des gens qui sont en position de vulnérabilité par rapport à eux, ben, ils ont un avantage. Et c'est sûr qu'à quelque part, en effet, d'ailleurs, il y a un adage qui dit que le savoir, c'est le pouvoir. Donc, dans le sens intellectuel du terme, ici, je l'emploie. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui a accès au savoir puis qui garde les autres ignorants, ben, il sera toujours en situation de pouvoir dominer ou imposer des choses. Parce que là, on dit, ben là, on n'a pas le choix d'avoir créé ce système parce que la masse est ignorante, puis en même temps, on fait exprès pour la garder dans l'inconscience. Fait que, drette là, y a de la malhonnêteté là-dedans. Puis c'est malhonnête du début jusqu'à la fin. C'est ça, mais je veux C'est quand tout même mettre en malhonnête, ça, là. considération d'autres variables dans le sens que c'est pas tous des gens qui ont des hauts quotients intellectuels puis ont une capacité d'absorption. Ça n'a pas rapport. Ben, La conscience, tu n'as pas besoin d'être intellectuellement un génie. C'est ça la différence entre la conscience puis. Je veux dire, pour savoir que c'est pas correct. Là, c'est l'affaire qu'il faut pas voler le voisin puis il faut pas le battre pour rien. C'est pas besoin d'être intellectuellement un génie. Non, par contre, c'est sûr que si la personne est faiblement dotée sur le plan intellectuel ou c'est sur le bord de la déficience intellectuelle, la qualité de son raisonnement éthique peut être limitée à Je suis pas comparer d'une autre d'accord. personne. Je suis pas d'accord. Les gens les plus malhonnêtes, les plus dangereux que j'ai connus, c'était des gens extrêmement intelligents intellectuellement. Puis les gens les plus innocents, puis les plus gentils que j'ai connus, c'était des gens qui étaient dépourvus au niveau intellectuel souvent. Donc ça marche pas, là. Bien, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui sont dépourvus sur le plan intellectuel, mais qui n'auront pas, dans le fond, la malhonnêteté ou un côté malicieux. Ils vont être tout simplement naïfs. Quelqu'un qui est dépourvu au niveau intellectuel pour qu'il soit mauvais, c'est parce qu'il faut qu'il soit corrompu quelque part, au niveau environnemental. C'est ça qui a été dit dans le passé, que l'être humain, dans le fond, il est bon à la base, mais il va avoir, même des fois, il peut avoir des gens qui sont mauvais en venant au monde, mais même là, il va avoir une corruption au niveau génétique. Et il va avoir quelque chose au niveau génétique qu'on pourrait rapprocher d'une corruption, mais. Bien, c'est sûr que certains vont parler de certains gènes, entre autres liés à l'agressivité. Il peut y avoir des déterministes aussi comportementaux comme l'éducation, le milieu de vie, l'environnement. Ça vient tout le temps de l'extérieur, la plupart du temps, même parce que même au niveau génétique, ça va être lié à des. Ça va être en dehors. Comment je pourrais dire ça? Chaque personne a un moi réel, mais il y a certains éléments qu'on va appeler, si tu veux, le mal. Le mal, ça vient tout le temps de l'extérieur. C'est un élément actif. Dans le sens que c'est difficile à expliquer, mais le mal existe, mais en tant que principe, si on peut dire là, universel, il va tout le temps être actif, puis externe, lui, il vient de l'extérieur au niveau de structure. Puis c'est là il va avoir une corruption, ce qu'on pourrait dire un esprit de corruption, mais il y a un principe de corruption aussi. L'être humain, quelque part, il est pris avec certains principes de corruption. Mais ça n'a pas rapport avec l'intelligence, dans le sens que. C'est pas parce que quelqu'un est extrêmement intelligent qu'il va être moins corrompu que Non, quelqu'un qui non, l'est c'est pas. C'est sûr. complètement en dehors de. C'est sûr Ça n'a rien que à voir. moi, je comprends ce que tu veux dire, mais ça prend quand même des capacités au niveau intellectuel minimal pour être capable de procéder à des raisonnements, entre autres en matière éthique. Ben oui, mais Chris, pourquoi qu'on a besoin de l'éthique? Admettons là, que moi, là, je décide, je fais un village, là, puis je le remplis de trisomiques qui ont eu des environnements aimants et tu sais là, corrects là, sous tout point de vue, puis toi, tu n'auras pas besoin d'éthique. Il va avoir une autorégulation, puis il va avoir ils n'auront pas besoin Ça dépend, là, même là, tu sais, je fais un exemple un peu grossier, mais Mmh. l'éthique est là. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler des gens qui se servent de leur intelligence d'une façon non éthique. Donc, ça vient pas de les... c'est... Je vois ça autrement. C'est... Autrement Si on est dit, pris ouais. avec l'éthique, c'est justement parce que on est intelligent. Donc, le mal, la corruption aussi. Qu'est-ce qu'il dit du serpent? Il dit sa première qualité, il était intelligent. Ouais, dans le sens manipulateur, là, dans le sens fourbe du Dans terme. tous les sens. C'est ça, mais autrement dit, l'éthique serait une forme de compensation pour le manque C'est ça. d'éthique qui Et existe. voilà. Mais Puis c'est pas sinon, lié nécessairement, ouais. pas besoin d'un intellect extraordinaire, là. C'est plus, justement, dans une société, plus qu'elle est sophistiquée, plus que la corruption, le mal, puis les criminels vont l'être aussi. Oui, bien, tout se raffine, tout devient plus C'est ça. subtil. Et c'est sûr qu'en lien avec ça, je voulais savoir si tu avais une conception qui rejoignait celle de Jean-Jacques Rousseau, le philosophe européen, à l'effet que l'être humain est naturellement bon. Non. OK. Ça dépend de quoi on parle. L'être humain, il est corrompu à la base. Dans le sens au niveau de sa génétique, puis ça fait longtemps, là. C'est sûr. La cause, c'est pour toutes sortes de raisons qui sont environnementales. Mais l'être humain, là, son sauvage, là, Oui, le bon sauvage, que oh, s'il serait pas on dans se une serait pas à ça. société européenne qui vivrait en reclusion, Non, à c'est ce moment-là, il n'importe serait quoi, bon. ça. C'est n'importe quoi, c'est de la naïveté. Ben, c'est C'est une un naïf. fable qui vise à dire que la société corrompt absolument, là. Ben non, pas nécessairement. La société, elle vient raffiner puis socialiser des principes qui sont déjà là. OK. Mais, tu sais, je veux dire, tous les matériaux sont déjà là avec son bon sauvage, là. C'est sûr que ça peut être un catalyseur, les influences sociales puis tout, mais que l'être humain qui est laissé à lui, qui serait laissé à lui-même en pleine nature puis qui connaît pas les notions d'argent puis tout, il va quand même, ça y tente, il va quand même donner un coup de bâton sur la tête du voisin puis partir avec sa femme sur l'épaule, là. Je veux dire, ces affaires-là, c'est déjà là. C'est là que la société est pas juste corruptrice, est aussi coordonnatrice dans le sens qu'elle vient ajouter, elle va donner. Bon, en tout cas, mais non, là, son histoire là, de bon sauvage, là, je trouve ça profondément niaiseux, même, C'est ça, dans puis le sens de naïf. ouais, c'est ça, puis la polarité inverse, c'était avec Sigmund Freud, qui est le père de la psychanalyse, qui avait comme conception de l'être humain comme étant quelqu'un qui était sous l'emprise de pulsions, qui l'échappait, qui pouvait être agressif, donc que le mal était en guillemets en lui, là. Ben, le pire, c'est que les deux n'ont pas tort, puis les deux ont tort, à mes yeux. Mais le problème, c'est parce que les deux, c'est subjectif. Ils perçoivent quelque chose de réel, mais c'est déformé par de la subjectivité. Vais juste brancher ma machine. Non, non, ben c'est bien correct, mais Bon. ça te fait voir les polarités au niveau de la pensée philosophique par rapport à la notion de l'être humain. Puis c'est sûr qu'il y a eu des débats historiques à savoir à quel point l'être humain est bon ou mauvais à la base, là, tu sais. C'est parce que la variété, elle existe déjà à la base. Tout est déjà en germe dans l'être humain. Donc, une mauvaise graine va grandir tout croche dans un mauvais sol. C'est certain. Ça ne veut pas dire que le mauvais, qu'il y avait juste du mauvais dedans. C'est la même chose pour. C'est pour ça que Freud, lui, il semble voir l'être humain comme un animal. Ce qui est la polarité inverse de Rousseau. Mais il reste que c'est il y a du réel là-dedans pareil, mais c'est subjectif quand même, parce qu'il y a autre chose puis autre chose. Mais c'est pareil, Rousseau, c'est parce que c'est des visions limitées. L'être humain, c'est vaste, c'est multidimensionnel. C'est selon on en fait des gens qui sont très unidimensionnels, surtout Freud, là. Pourtant, à mes yeux, la pensée de Freud est beaucoup moins naïve que celle de Rousseau, mais Rousseau est plus proche d'une certaine, comment je pourrais dire ça, il est plus proche de la nature réelle de l'homme, pareil. sais, c'est là que ça devient. Les deux ont plus raison dans leur branche à eux que l'autre, c'est certain. C'est tout le temps comme ça. Mais ils ont ni tort ni raison, ni un ou l'autre, là. C'est juste parce que c'est subjectif, les deux. Oui, Mais mais la c'est des fille. visions complémentaires de la nature de l'homme. Ben oui, puis comme l'être humain, ben, il divise de l'intelligence universelle, il va tout le temps être. La vision d'un tout un chacun sera tout le temps complémentaire. T'sais, en même temps que c'est limité, ça ne peut pas faire autrement. Il faut sortir d'une pensée intellectuelle humaine pour voir, pour avoir si on peut dire une pensée, entre guillemets, là, c'est pas vrai, mais c'est voir quelque chose puis penser quelque chose, pas pareil, mais qui soit universel puis qui n'est pas limité. Mais là, si on tombe dans le mysticisme, quasiment. Quasiment. Puis là, même là, on va finir par rentrer dans autre chose pour autre chose. Mais Rousseau, trop sensible, trop émotif, trop mystique, trop Freud, trop cynique, trop mécaniste, trop. Mais Ben, il les était deux ont obsédé aussi raison. par la sexualité, tu sais, il voyait pas mal le sexe partout, tandis que Carl Gustav Ben Jung oui. avait une vision plus nuancée de la psychanalyse. C'est parce que Freud, lui, il s'arrête aux pulsions, mais la libido, c'est une énergie qui n'est pas nécessairement sexuelle. C'est pour ça que Jung, lui, il arrive, il dit, ouais, mais on n'est pas obligé de sexualiser ça tout le temps. La libido existe sous d'autres formes. En tant qu'énergie, les pulsions deviennent des patterns qui donnent des directions à l'énergie, puis ça devient plus subtil, là. Jung est plus. Comment je pourrais, il est plus nuancé, comme tu dis. Oui, bien, c'est sûr qu'il est venu après Freud, donc il a eu le temps à ce moment-là de peaufiner certaines théories là, qui avaient été développées par Freud, qui provient d'un contexte social, d'une société victorienne où la sexualité était réprimée, était mal vue, puis bon, il y avait l'influence du Ben, clergé qui. Ouais. c'est pas juste ça, là. C'est surtout que Freud. Il a fait ses études cliniques, surtout en France. Puis en France, à l'époque, il y avait Pierre Janet, puis il y avait l'autre, là, celui qui a techniquement découvert l'hypnotisme clinique, là, comment il s'appelle donc? En tout cas, eux autres étudiaient surtout les hystériques. Puis la plupart des hystériques, c'est du monde qui avait des problèmes mentaux, entre autres à cause de blocages. Des fois conscients, des fois inconscients, des complexes qui bloquaient leur libido. Donc, c'est sûr qu'il y avait, Freud il a développé une image un peu comme ça, entre autres, là, des névroses, puis ce qui engendre les névroses, c'est pas tout à fait tort. Mais Jung, lui, ayant eu des gens qui avaient côtoyé le paranormal, puis des médiums, notamment l'une de ses cousines qui était médium, il savait que l'énergie était pas juste, qui était refoulée n'était pas juste sexuelle. Parce que les hystériques, il y avait souvent des phénomènes paranormaux aussi. Lui, il essaie de comprendre ça, comme avec une de ses cousines, à un moment donné, il y a un couteau qui a éclaté dans le tiroir d'un buffet, de la salle à dîner. C'est allé, les morceaux du couteau s'étaient fichés dans les côtés du tiroir à l'intérieur, tellement ça avait été fort, ce qui avait fait éclater le couteau. Mais c'était lié à des talents de sa cousine. Donc, Freud n'a pas eu accès à ça parce que c'était pas ça dans sa programmation. Jung, oui, il a côtoyé des phénomènes comme ça. Tandis que Freud était programmé pour pas les voir. Jamais. C'est sûr, mais il faut comprendre aussi que Freud, il vient d'une famille qui avait des gros problèmes. Puis c'est certain que leur vécu a influencé leur vue. Tandis que Jung, il vient d'une famille de bourgeois quand même assez équilibrée. Tandis que Freud, son père était tordu, puis sa mère était folle un peu. C'était un peu une fatigante qu'il avait surprotégée, là, une grosse madame. En tout cas, de toute façon, juste à regarder la photo des parents de Freud, on sent. En tout cas, quelqu'un qui est sensible, on sent l'énergie un peu. Ça a l'air d'une madame étouffante, là, la mère de Freud, puis son père a l'air d'un tordu. Fait que de là, ça part mal, tandis que Jung, on sent un milieu beaucoup plus confortable à tous les niveaux. Même ce qui a dû jouer la relation entre les deux, le fait que Freud venait d'une famille d'un père représentant de commerce un peu plus précaire, puis Jung d'une famille peut-être un peu plus bourgeoise qui était médecin de, sur des générations, puis le Non, non, grand-père c'est sûr que leur de antécédent familial a sans doute un impact en relation avec les théories qu'ils ont développées dans leur carrière. Ben, j'ai tout à penser que Freud avait été jaloux de Jung, puis qu'il avait peur de se faire enterrer par lui. Ben, c'est possible, parce que dans le Ben fond, là, ouais. même si je trouve que c'est évident, là, parce que à un moment donné, dès que Freud, dès que Jung, en présence de Freud, exprimait une opinion qui lui était propre, puis qui n'était pas la répétition de celle du maître Freud, ben Freud, il se mettait à capoter, comme s'il voyait un fils qui allait le tuer. Puis ça rejoint ses propres théories. À un moment donné, il est tombé en syncope, là. Il était porté à faire des syncopes, là, Freud, à faire des crises d'apoplexie. C'est quelqu'un qui avait des problèmes. Tandis que Jung est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus. Il y a beaucoup de choses, je pense, que Freud a vues parce qu'il les vivait. Tandis Ben que. oui. En plus, les deux étaient pris dans un contexte. C'est comme s'ils étaient. On prend Freud, qui est un monsieur d'origine. Puis Jung, est un. Puis que plus tard, ces deux ethnies-là ont eu des petits problèmes. Il devait avoir une charge qui s'accumulait au niveau collectif historique. Ça a dû créer une tension. Ben, j'imagine que dans la société viennoise de l'époque, où il se trouvait en Europe, c'est sûr que ben il y avait des tensions politiques là, quand même là, à l'époque aussi. Là. Donc, il devait avoir toutes sortes de forces inconscientes liées au collectif, puis ça s'exprimait à travers les deux. Mais l'affaire où Jung est tellement plus subtil que Freud qu'il est beaucoup moins compris. Puis Freud n'est pas très compris, fait que juste la notion de complexe, puis c'est très mal compris dans le grand public. De toute façon, est-ce que c'est important de comprendre ces choses-là? C'est un peu comme si Freud était un confucianiste, puis Jung un taoïste. Il y en a un qui était beaucoup plus subtil que l'autre, qui est moins codifié, qui est moins obsédé par la famille puis les structures. C'est de l'énergie en mouvement, tu sais, plus. Mais là, c'est sûr que ça n'a pas le choix de se confronter. De toute façon, à mes yeux, Jung aussi, c'est un problème. Ça aussi, ça va devenir désuet. Ça aussi, ça nuit. Les gens ne connaissent pas le Jung secret. Le monsieur qui a fondé une société luciférienne initiatique avec Miguel Serrano, ça, c'est pas connu du monde. Non, moi je connais pas ça. Tu sais, fait que les gens se rendent pas compte que quand Freud parlait oh, les eaux boueuses de l'occultisme, puis tout, que il disait à Jung, fais attention, pas sombrer là-dedans, il avait pas tort non plus. Parce que là, l'affaire, c'est que si Jung avait découvert quelque chose d'extrême, de tellement prenant que c'était un savoir dangereux au point de fonder une société secrète, puis il portait toute la même bague, là, puis c'est pourquoi que ces choses-là sont pas très connues du grand public, parce que c'est encore actif, possiblement. Quand Miguel Serrano est mort, ils l'ont enterré je me souviens, là, le bonhomme qui a fait l'éloge funèbre, là, il faisait des déclamations, là, à Lucifer, puis c'est pas mieux, là, Jung, dans le fond, mais là, c'était une coche au-dessus Ben pareil, moi, mais par je veux rapport dire. aux deux, je suis détaché. Là, je suis pas un disciple de Freud ni de Jung, puis j'ai pas de préféré, parce qu'il y en a qui vont Non plus plus. aimer l'un des deux, comme dans les Beatles. Il y en a qui aiment mieux John Lennon, d'autres Paul McCartney, mais moi, Oh, je suis moi, eux distant. autres. Je suis distant par rapport à ces deux individus, tu sais, au niveau de leur grille interprétative, de la Mais réalité. l'affaire que je veux Oui. dire, c'est que les deux sont dans la subjectivité de l'intellect. Les deux ont été jusqu'à un certain point influencés par leur vécu, donc il y a de la subjectivité. Puis dans le fond, là, même si on parle des Beatles, là, toute l'influence qu'il y a eu de l'ésotérisme, de la spiritualité hindoue, George Harrison, puis sa fascination pour Aleister Crowley, puis toutes ces choses-là. Maharishi aussi en Inde, le Ouais. maître de la méditation Tu sais, transcendantale. pour moi, les Beatles, c'est des. Ils ont. À mes yeux, il y a de la corruption de la jeunesse un peu, là. Tu sais, j'ai bien de la misère à les aimer. J'ai beaucoup de difficultés. Parce que il y a trop de jeunes qui se sont perdus à cause des autres. Je veux dire, tous ceux qui sont tombés dans la drogue, puis quand ils se sont mis à faire la promotion du LSD, puis j'ai bien de la misère avec ça. Pour moi, c'est des forces astrales super puissantes, là, les Beatles, dans le sens que ça a apporté beaucoup la contre-culture, puis je me demande jusqu'où il n'y avait pas dû planifier là-dedans, puis jusqu'où on s'est pas servi d'eux. Parce qu'en même temps que la CIA se met à synthétiser du LSD, puis que là, on en envoie dans les universités en demandant à des anthropologues de faire des expériences avec ça, ben les Beatles se mettent à en faire la promotion. J'ai bien de la misère avec ça. Bien de la misère. Ben, il y a eu plusieurs Je groupes les aime rock là, de la vraiment fin pas, des moi. années 60, dans la Mon même période, qui préféré, prenaient de la là, drogue, oui. j'en ai pas. OK. Bon, ben. Je les aime pas personne, eux autres. Ben, moi, j'apprécie une fois de temps en temps écouter leur musique. Par contre, je leur voue pas un culte en tant que personne, là. Je les vois pas comme des initiés ou des gens conscients, là. C'est au niveau de la vibration puis de l'inconscient que ça agit, ces affaires-là. C'est pour ça que moi, je suis même pas capable d'entendre une toune. Je suis vraiment pas capable. Moi, je suis resté à des affaires des années 20, 30, 40, puis tout ce qui vient après, ça m'écœure. Pourtant, c'est pas mieux, là. Je veux dire, Non, non, c'est de la mais... merde aussi, mais au moins, tu sais, c'est parce que moi, c'est ce qui est arrivé, la contre-culture des années 60-70. On n'en est pas sorti encore. Puis, même, on dirait que tout ce qui les entoure, tout ce qui les entoure, il y a tout le temps quelque chose. Yoko Ono, il y a certaines caractéristiques d'elle qui fait beaucoup penser à certains types de sorcières shintoïstes, comme il y avait dans le Japon ancien. Mais il y a toutes sortes d'affaires que je pense même, c'est Moreau qui disait, avait acheté aux enchères la moustache de Dali, puis il s'est arrangé pour qu'elle n'ait pas sa moustache à lui, c'était la moustache d'un autre, parce qu'il n'y avait pas de se faire ensorceler à distance. Par elle. Fait Ah que, ouais. on dirait que tout ce qui est entouré, ça le souffre. C'est possible. Sinon, je voulais t'amener aussi à parler, suite à notre dernier enregistrement qu'on avait fait là, au début du mois de janvier 2022. En fait, j'ai eu beaucoup de commentaires d'appréciation par rapport à notre enregistrement, mais je voulais quand même t'amener sur un point parce que il y a une personne qui, dans le fond, a dit, bon, ben, vous décrivez là, comme il faut là, la corruption au niveau journalistique, juridique, scientifique, médical, artistique, parce que il y avait beaucoup de descriptions que tu faisais dans le cadre de l'enregistrement du début du mois de janvier, mais c'est quoi les solutions par rapport à tout ça? Parce qu'on décrit beaucoup le problème de corruption au fil de nos Ça, la enregistrements. solution, c'est le décrire. Il n'y a pas d'autre solution que la lumière, dans le sens, plus qu'on en parle, plus que ça se sait, plus que ça se voit, puis moins que ça va pouvoir exister. Si, pourquoi est-ce que tout ça, c'est possible? Parce que c'est pas vu. Et là, la solution, plus ça va être vu, plus ça va être compris, plus ça va entrer dans de la conscience collective au Oui, le niveau de. voir, à mon avis, c'est Il n'y a la pas d'autre base, solution, la là. première étape, c'est de reconnaître le problème, un peu comme quelqu'un qui a un problème de consommation de drogue ou de dépendance au Ah jeu oui. d'hasard. La base du processus, la première étape pour amener un changement, c'est de le voir. Par contre, le point, c'est que toi, si, par exemple, tu avais à faire la gestion de la crise et que tu étais le premier ministre du Canada, qu'est-ce que tu ferais autrement pour gérer la crise? C'est des questions stupides. Moi, je Pourquoi? trouve pas ça intelligent parce que je peux pas gérer de quoi que j'ai. C'est comme si tu demandais, justement, c'est de même que ça marche. C'est les mêmes qui ont créé un problème qui vont apporter des fausses solutions. Je peux pas, moi, être premier ministre. C'est des questions hypothétiques qui n'ont pas d'allure. Je peux pas être premier ministre, moi, là. Mais Je c'est parce pourrais que, pas. dans le Je me fond, serais jamais rendu. non, non, mais je comprends. C'est parce que sais, on peut faire des enregistrements puis parler pendant plusieurs heures consécutives de décrire l'état de corruption en lien avec la crise sanitaire actuelle au niveau des tribunaux, au niveau aussi médical, des médecins, etc. On pourrait en parler puis en parler. Quand il y a quelqu'un qui règle les problèmes pour vrai, il apparaît un fou de nulle part qui le tue. Tu peux pas, là. C'est pas de même, ça marche. L'intelligence réelle puis bénéfique, c'est individuel, puis la corruption, la domination, puis la plupart du temps, c'est lié à du collectif. Un individu qui décide, là, tout de même, là, de régler des problèmes, là, genre, à un moment, même s'il descendait des gangsters irlandais puis que la mafia avait aidé à l'élire, John F. Kennedy, dès qu'il a voulu régler des problèmes pour vrai, il est mort. C'est pareil pour son petit frère. Fait qu'on est dans des questions hypothétiques qui n'ont pas d'allure. C'est lent, ces processus-là. Mais le monde, ils veulent des solutions de suite, là. Quand, oui, mais là, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est pas de même, ça marche. C'est pas toi qui décides. C'est pas moi qui décide non plus. Tout ce qu'on peut faire, c'est ouvrir des portes pour que ça passe tranquillement. C'est comme faire des trous dans un barrage. Oui, mais présenter l'information, c'est intéressant. Parce que moi, je me suis déjà fait reprocher de par certaines personnes. Ils disent, tu parles beaucoup, tu fais des enregistrements qui vont durer plusieurs heures, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement par la suite une fois qu'on comprend bien le problème? Si une fois que tu comprends bien le problème, tu fais rien, tu te rends compte que ça n'a pas rapport. Mais c'est parce que ça amène un petit peu un constat d'impuissance, dans le sens que si on voit que de la corruption généralisée dans la société et que à quelque part on subit ça aussi, je veux dire, comme là on peut pas aller dans un commerce de 1500 mètres carrés parce que si on n'est pas adéquatement injecté, on peut pas aller au cinéma. Tu sais, je comprends même pas si tu réalises vraiment puis que tu intègres la nature de ces choses-là, tu seras pas frustré de pas y aller, là. Je comprends ce que tu veux dire, mais dans le sens que si on est confronté à des mesures qui nous portent préjudice, concrètement, problème, dans le sens que ça nous appauvrit, tu sais, on est limité dans nos déplacements, on est limité dans l'accès à des magasins présentement au Québec, etc. À un moment donné, si on dit, ah, ben, on voit le problème, puis on... Comment dire, on fait juste regarder. Oui, regarder, ça a une fonction. Tu peux pas rien faire individuellement, c'est collectif, ces affaires-là. Tu sais, si tu es atteint dans ton individualité par ça, il y a un problème. C'est à ce niveau-là que tu peux agir, mais pas au niveau collectif. Comment, explique-moi ça, comment le fait que de pas pouvoir aller au Walmart, ça t'appauvrit. Ben, c'est-à-dire que si au lieu d'acheter au magasin des denrées, ben je les commande par Internet, bon, mais ben, il va y avoir des frais postaux que je vais avoir à payer en plus. Ben, même là, je vois pas où le problème. Admettons que je décidais d'aller au Walmart plutôt qu'où je me fournis, ça va me coûter plus cher. Dans le sens que pour moi, dans mon cas, je vois pas, là. Même là, ce que tu peux acheter au Walmart, tu peux l'acheter ailleurs. Mais même là, ça va être plus cher un peu, peut-être. Mais c'est relatif, ça. C'est comme là, la taxe santé, moi, je pensais que ça serait entre 5 et 8 000 piastres. Fait que j'ai mis de côté ça. Là, on apprend, ça va être entre 100 et 800 piastres. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de riche, puis je suis venu à bout de mettre ça de côté. C'est rien qu'un rapport à l'énergie, dans le fond. C'est d'être créatif. Si on était arrêté d'être dans les... Moi, justement, ce que je parle depuis des années, c'est là, on est dans l'intellect. Puis l'important, c'est de voir. Puis une fois que tu le vois, ce qu'il y a de plus logique à faire, si tu vois un peu, là, je veux dire, puis tu n'auras jamais de vraie perte. Mais le monde, non, ils veulent des solutions. Ils veulent des solutions, puis ils souffrent justement de choses que, quelque part, c'est psychologiquement qu'ils souffrent beaucoup plus que concrètement. La personne, là, qui a tout le temps payé son papier de toilette assez cher, elle ne sait pas qu'elle s'appauvrit parce qu'elle n'a pas accès au Walmart. Ici, t'as le Walmart, là, il est à 1h30 de route. Oui, fait que les frais d'essence, finalement, ben, ça représente une dépense importante. Tu sais, c'est tout relatif, ces affaires-là. Ouais. C'est lié à la perception individuelle. Fait que le problème, il est à l'extérieur ou dedans? Non, je comprends qu'une partie du problème, c'est la subjectivité puis l'interprétation des éléments et informations.

ben ça crée les gens sont déstabilisés par ça, ils ont de la difficulté à encaisser les chocs. Ben, puis justement, c'est qui reçoit des chocs? C'est ceux qui y ont cru. Moi, je reçois, je veux dire, je me fais. C'est pour ça, comme là, dernièrement, bon, j'ai essayé de faire des affaires plus légères, plus comiques, puis parce que je remarque les gens sont déprimés, sont malades, au sens psychique du terme. Moi, j'ai jamais cru à leurs affaires, dans le sens que j'ai jamais cru que ça irait mieux. Fait que je peux pas filer mal, je peux pas me faire de choc. L'affaire, ça va bien aller. Dès le début, je le sais que c'est pas vrai. Fait que je peux pas avoir de choc. Même si ça Exactement. serait de même pendant 15 ans, je peux pas avoir de choc. Moi, ma solution est là. Dans le sens que, moi, les gens, plus les gens vont comprendre la mécanique, dans le sens que c'est des programmations, c'est-à-dire que, comme le gouvernement, lui, sort de des programmations parce que lui, il gère l'énergie. Plus que les gens vont intégrer ces lois-là, les lois du psychologique, pour aboutir, si on peut dire, à une méta-conscience, quand tu vois le psychologique, tu es au-dessus un peu, ben, ils pourront plus être gouvernés de cette façon-là, puis ils vont conserver leur énergie bien plus. Mais c'est là, moi, c'est ça pour moi la solution. Les problèmes collectifs, là, ça prendrait des solutions collectives, mais tu peux pas en avoir parce que ça sera jamais collectivement qu'on va être conscient. Donc, Oui, il y a parce que quelque c'est chose. individuel, oui. Ben, la personne qui veut des solutions est en danger parce qu'elle va se faire pogner par des sauveurs puis des meneurs qui amènent des solutions. Elle va se faire avoir. Le temps qu'elle se rende compte qu'elle s'est faite avoir, elle va avoir des nouveaux problèmes. Ça va créer des nouveaux problèmes. Puis là, elle va être gérée par ce gars-là au lieu de l'autre. Puis, dans le fond, la personne, elle ne sera jamais elle-même. Elle sera jamais. C'est là que c'est pour ça l'individuation, Oui, ces bien, je affaires-là. comprends Moi, la elle a ma personne. À... solution. Oui, c'est ça. Parce que sans ça, la personne est tout le temps sur tutelle psychique, dans le sens que la personne qui, par exemple, va délaisser les médias de masse parce qu'elle n'est plus satisfaite du discours narratif puis de la désinformation qui peut être faite par eux, elle va devenir disciple d'un lanceur d'alerte. C'est là que j'ai de la misère avec ça. Parce que moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est que donner une autonomie. Que le monde développe une autonomie, quitte à les faire chier, puis les envoyer pour qu'ils m'aiment pas, là. Fait que, mais pourtant, non, les gens sont en. C'est parce qu'on voit qu'il y a un problème qui vient de la mémoire. C'est lié à de la mémoire, ça, c'est lié entre autres à l'enfance, d'après moi. Dans le sens, à un moment ou l'autre, l'enfant, il s'est senti en danger ou rejeté de son parent, ou il y a des affaires de cet ordre-là, ça s'enregistre dans la mémoire psycho-affective, puis ça revient plus tard. Puis la personne, elle veut tout prix être assurée, puis avoir un bon père de famille ou une mère de famille qui va servir de sécurité, puis c'est là que la personne est en danger, c'est psycho-affectif. Puis on dirait qu'il faut qu'il y ait eu des cassures épouvantables, puis une intégration de ces mécaniques-là pour pallier à ça, on dirait. L'affaire, là, moi, je la pogne pas, là, l'histoire, là. Oui, mais c'est quoi les solutions? Ça veut dire la personne, est pas dans, elle comprend pas c'est quoi, là, ce dont on parle. Tu sais, c'est, ou bien d'aller vers de la philosophie, là. Tu sais, je veux dire. Ça, c'est des attitudes psychologiques, la philosophie, c'est dans l'intellect. C'est une façon de jongler avec des formes. Fait que, il est où l'énergie là-dedans? Il m'est arrivé des affaires bizarres, même dernièrement. Puis je regardais ça, puis je dis, voyons que c'est ça. Y a-t-il quelque chose qui peut m'expliquer c'est quoi ça? Puis là, ça intérieurement, tout ce qui m'est venu, c'est arrange-toi. Puis, OK. Je veux dire, je suis rendu à un point que je me laisse un peu, dépendamment de ce qui arrive, je réfléchis pas, puis selon ce qui arrive, ben, à mesure, je vois à mesure. Mais ça fait des années que je t'ai essayé d'intégrer ça, de voir à mesure. C'est comme si le plancher apparaît à mesure que je me mets un pied en avant de l'autre, puis je Bien, suis ça me fait jamais. penser à certains jeux vidéo où le paysage apparaît dans un périmètre entourant le personnage principal qui se déplace, puis il disparaît une fois qu'il s'est déplacé, là. Ben oui, mais sauf que ça disparaît pas nécessairement en arrière, là. Ça s'agrandit. Mais des fois, il y a des affaires que même en arrière que je pensais avoir compris, puis là, ça se clarifie à mesure que j'avance en avant. Mais comme dernièrement, il m'est arrivé une affaire bizarre. J'avais mal en dessous d'un pied. Puis je me suis dit, je dois avoir une petite écharde. Donc, j'ai enlevé mon bas. Puis j'ai regardé. Puis oui, je voyais une petite pointe noire comme si j'avais une petite écharde. Donc, j'ai pris des pinces à sourcils. J'ai saisi le bout. Puis j'ai tiré là-dessus. Puis il est sorti un long filin. C'était long, là. Puis c'est beaucoup plus petit qu'un poil, là. Ben, il ne pousse pas de poils sur la plante du pied. C'est comme un corps étranger. Mais ça ne peut pas avoir rentré dans mon pied. Il faut que ça vienne de l'intérieur. C'était trop long puis trop fin. C'est impossible de rentrer ça droit comme ça. Donc, ça serait comme une anomalie. J'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai tiré là-dessus, puis ça faisait un peu plus d'un centimètre de long. Puis c'était fin, là, très très fin, comme une fibre très très fine. Puis là, j'étais là, coudonc, c'est-tu un morgelon, ça? Puis là, je me disais, ben non, ça sort ça. Sur les cas que j'ai vus, ça sortait autour des ongles, puis ça sort pas à des endroits comme ça. Puis là, je demandais intérieurement, j'ai dit, c'est quoi ça? Puis ça me disait juste, oh, inquiète-toi pas. Je ne sais pas du tout c'est quoi, mais il y a bien du monde. Je l'ai pris comme quelque chose d'intriguant. Je trouve ça intriguant. Je suis au point de le raconter, c'est parce que je trouve ça intéressant. Mais je ne l'ai même pas conservé. Par après, genre, j'aurais dû le garder pour faire peut-être analyser ça un jour. Puis finalement, ça me dit, ben non, arrête de te casser la tête avec ça. C'est pas important. Puis de pas m'en faire avec ça. Mais c'est quoi? J'en ai aucune idée. Physiologiquement, ça se tient pas. Ça a pas d'allure, mais c'est pas la première fois qu'il m'arrive des choses comme ça qui ont pas de bon sens. Que j'ai aucune idée à quoi j'ai affaire. Je le sais intérieurement que si je m'étais mis à me casser la tête avec ça, à faire des recherches, savoir c'est quoi, puis aller jusqu'à le faire analyser, possiblement, j'aurais eu aucune réponse. Juste, j'aurais juste perdu du temps puis de l'énergie. Est-ce qu'il y a vraiment un problème? C'est ça la question. Collectivement, oui, il y a un paquet de problèmes. Puis possiblement que le contexte collectif va engendrer un paquet de problèmes. Mais individuellement, de chercher à... C'est juste de comprendre ce qui se passe, de le voir. Puis comme là, s'il y a une pénurie, là, ça durera pas 8 ans. J'espère. Ben même là, comme j'ai une correspondante avec qui... tu sais, des fois, j'écris par des textes, là, sur mon ordinateur. Puis... J'ai dit, même si, admettons là, que je peux plus aller acheter certains légumes, puis tout, je peux pas manquer de fer. J'ai dit, autour, j'ai juste à gratter la neige, puis je sais quelles plantes se mangent dans le gazon. Il y a certains types de plantes, même très grasses, là, qui sont... Puis, je peux pas manquer de fer, par exemple, c'est impossible. Puis, tu sais, même je le fais, puis on n'est pas en pénurie, puis des fois, l'été, je m'en prends, puis je fais sauter ça, puis je mets ça dans ma soupe. Puis... Elle, c'est la même chose, elle est bien connaissante. Ben, Sauf sinon, tu qu'elle as est. des lentilles qui comportent du fer ou des haricots rouges. J'ai des haricots rouges en canne de conserve, que c'est une bonne source de fer, puis Ben des légumineuses, t'en as même, sauvage. C'est pas mal plus petit, là, faut être patient. Mais t'sais, si tu te mets à ramasser ça, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est comme un maton, là, que tu te rends compte que tu as une carence en vitamine C, puis. Rien qu'à aller chercher de l'écorce de bouleau dehors, puis tu fais bouillir ça, puis tu bois ça, tu vas en avoir un petit peu. Même là, il y a des petits fruits là, qui en a assez concentrés, même de la vitesse. Je veux dire, pour mourir d'une pandémie, là, dans le sens, pas d'une pandémie, mais Pénurie. d'une pénurie, là, mourir de faim, là. Même en Corée du Nord, ils ont décidé à un moment donné, parce que gens s'étaient alignés, ils ont décidé à un moment donné, bon, telle branche, telle partie de la population, on n'a pas les moyens de faire comme dans le temps, là, les goulags, puis tout ça, puis on va les laisser mourir affamés. Ben, la plupart, ils ont survécu. Ils mangeaient, comme je dis, des petites plantes, mais ils savaient quoi manger, puis la plupart, ils ont survécu quand même parce que l'État a juste décidé qu'ils s'en occupaient plus. Ben, ils sont pas morts, nécessairement. Donc, je veux dire, il faut vraiment, pour vraiment mourir comme d'une pénurie, ça veut dire que soit tu es un déficient intellectuel grave, soit que ta condition de santé fait que tu es vraiment tu es handicapé moteur. Mais à part ça, là, ça pourrait peut-être même être une bonne chose pour beaucoup de gens. d'avoir à survivre un peu. C'est-à-dire que si on le regarde occultement, au niveau de certaines forces évolutives, ça peut pas être vu comme un égo humain le voit maintenant, lui. Puis c'est pour ça que les forces, Ben, En tout cas. moi, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que ça peut être l'occasion de connaître une déspiritualisation pour certains égos, d'être confrontés à des problèmes de survie, là. Ben, moi, perdre de la naïveté, je dirais plus. Ben, en tout cas, envers la caste dirigeante, là. Parce que l'affaire de spiritualiser, c'est de te rendre compte que de te rendre compte que les forces, ils vont pas nécessairement t'apporter l'aide que tu pensais que tu avais besoin, c'est différent que de quelqu'un qui réaliserait qu'il n'y a rien. Parce que c'est pas vrai, ça. Donc, la déspiritualisation, de quoi on parle, là? Oui, exactement, mais moi j'ai l'impression que quand on s'était parlé l'autre fois au mois de janvier, où ce que tu parlais beaucoup de la magouille, la corruption qui occupe présentement en société en lien avec la crise. Ça amène une forme de déspiritualisation que les gens pouvaient avoir face aux politiciens, aux journalistes, aux scientifiques, aux Ben, les médecins. politiciens, les journalistes, les scientifiques, c'est pas des anges puis des entités. Oui, mais Je ça veux peut dire, je la être comprends perçu pas comme l'affaire étant de. des substituts aux Ben, religieux d'autrefois. Tu sais, tu faisais il n'y en a pas allusion. de spiritualisation d'abord. C'est juste un transfert d'une forme à l'autre, mais c'est pas de la spiritualité. Les gens vont brûler de la naïveté puis ils vont sortir d'une certaine pensée magique, ça, je suis d'accord. Mais déspiritualisation, qu'on le veuille ou pas. Il y a les plans, puis il y a des aspects plus subtils au réel. Fait que l'affaire de se déspiritualiser, c'est au sens de perdre une certaine naïveté. Pas de se mettre à devenir un mécaniste. Tu sais, je veux dire, même des personnes qui ont survécu à des choses vraiment terribles, là, il y en a qui ont eu des vécus épouvantables, puis ils ont toujours survécu, ils vont finir par te dire qu'ils ont senti à un moment donné qu'il y avait de quoi de subtil qui les avait aidés. Il y a une force qui s'est manifestée à travers eux, puis ils ont senti une présence à un moment donné qui leur a donné la force de passer à travers. Donc la déspiritualisation, c'est de quoi on parle, là. Oui, non, je comprends. Tu soulèves des points importants. En fait, moi, ce que j'ai eu l'impression qui s'est passé dans la société québécoise, c'est qu'au fil des décennies, le rôle du prêtre, qui était bien vu comme point de référence avant la Révolution tranquille, en tant que point de référence sociale avec une autorité reconnue, a été transféré au niveau des masses par rapport aux médecins. Puis le docteur Horacio Rudeau était comme un peu aujourd'hui une espèce de prêtre là, quand il était au poste dans le fond au niveau de la santé publique québécoise là, il était vu comme une espèce de grand prêtre là, qui disait aux gens quoi faire là, comme le curé en chaire là. Ouais, c'est la fonction sociale qui s'est transférée. Oui. Mais l'aspect spirituel, lui, les gens qui sont spirituels de nature, s'ils croient plus aux prêtres puis tout, ça va être d'autres choses. Comme ils vont tomber dans, je sais pas moi, le nouvel âge où t'sais, ils vont devenir spirites. Ça paraît pas, il y en a pas mal. Même. Ici, là, en ville, là, dans les années 60, il y en a pas mal qui faisaient du spiritisme. Puis ça avait jusqu'à un certain point remplacé. C'est pour ça, là, l'aspect de fonction sociale qu'avait le prêtre, que ça s'est transféré chez le médecin, c'est plus une fonction sociale. C'est pour ça l'affaire de déspiritualisation. L'aspect spirituel, il va se transférer selon sa nature dans d'autres choses mais la fonction sociale, elle se transfère selon Oui, mais je ses parents. comprends ce que tu voulais dire. C'est parce que je l'attendais avec des parallèles, comme avait fait, par exemple, François Legault en disant que le personnel de la santé, c'est nos anges. Il a répété ça Ouais. souvent, là, au début de 2020, là. Bon, c'est une image qui n'a rien de spirituel, c'est plus comme au niveau. Des gens qui veillent sur nous, là, à qui on peut s'en remettre. C'est ça. Fait que moi, dans cette perception-là, je le voyais comme une figure transitoire au niveau spirituel, là, de se les Parce représenter que. comme des gens, des anges ou les sauveurs de la société québécoise par rapport à la menace Sûrement. du virus. Parce que ça, c'est pas tout à fait pareil, là. L'affaire, c'est que l'être humain, dans les premières phases de sa vie, il est vulnérable. C'est un petit bébé qui dépend de ses parents. Oui. Puis il y a quelque chose qui s'enregistre au niveau individuel, dans sa mémoire, qui fait que l'être humain, dès qu'il va se sentir vulnérable, il va y avoir une régression inconsciente. Puis c'est là que la personne va avoir besoin de s'abandonner à des substituts des parents. C'est là où je considère que François Legault, c'est comme le père de famille autoritaire qui te dit quoi faire en temps de crise, puis qu'on s'en remet à lui. Puis là, les anges, ça devient comme la mère nourricière et protectrice qui va prendre soin de nous si on est malade. C'est pour ça que le transfert, je le vois pas au niveau spirituel, mais au niveau psycho-affectif. Fait que la spiritualité de l'être humain, ça a été immature, oui, elle va avoir un aspect comme ça. C'est pour ça qu'on va dire oh, le Père Céleste, puis Marie, Mère du monde, puis des affaires de même. Là, oui, parce que c'est une spiritualité immature. Mais il existe, au-delà de ça, il y a de la spiritualité plus mature que ça. Elle peut pas se transférer dans des formes qui vont par en bas. Là, ça va aller plus dans du plus subtil encore. C'est-à-dire que même on va transcender la notion de famille et de parents. Mais c'est pas pour rien si au début, comme les Québécois, tout l'aspect spirituel est lié à la famille. T'as la Sainte Famille, t'as Dieu le Père, puis t'as Marie, Mère du monde, puis... Le fils dans l'incarnation de Jésus, là. Ben c'est ça, dans le fond, c'est la Sainte Famille. Fait que lui, puis là, après ça, les gens vont s'appeler frères et sœurs. Ouais. Bon, ça, c'est correct. Ça fait partie du côté psychosocial, psycho-affectif, puis, mais c'est de la spiritualité jusqu'à un certain point qu'il y a une certaine immaturité. Mais c'est correct, pareil. Mais là, on est en l'affaire là, de les anges qui veillent sur nous, les infirmières, puis François Legault, qui est comme notre bon père, qu'il faut s'en remettre à lui, là, comme Guillaume le Métis Vierge, là, qui disait, là, c'est comme nos parents, le gouvernement, puis quand on est des enfants, faut faire ce que le gouvernement nous dit, gars. Ce qu'il dit pas, Guillaume le Métis Vierge, c'est qu'on est des adultes, là, puis ce monde-là, au gouvernement aussi, c'est des adultes, puis qu'il n'y a pas à avoir un rapport de même, genre, je vais faire ce que tu me demandes parce que tu me le demandes. Moi, j'ai besoin de savoir pourquoi. Sinon, je le ferai pas. Ça, c'est ça, être un adulte. C'est genre, j'obéirai pas aveuglément à n'importe qui, juste parce qu'il est en fonction. C'est là où Exactement. qu'il faut qu'il y ait une certaine maturité. Mais cette notion-là de transfert de la famille, de la religion vers l'État, ça vient du marxisme, là. Je veux dire, c'est parce qu'on s'en va vers des modes de gouvernement un petit peu communistes, là. Ben oui, avec Camois. l'État-providence très interventionniste au Québec, social-démocrate, et on voit reculer le principe de la primauté de l'enfant. Ouais. Puis même si le communisme est considéré comme athée, c'est le mode le plus de gouvernance le plus luciférien, c'est le top du luciférisme, à mes yeux, à moi en tout cas. Parce que tu gouvernes par de la connaissance puis de l'ignorance. L'état des masses puis la caste dirigeante. Puis... Donc, moi, pour moi, c'est malsain. Puis, mais il reste que cette régression-là collective, elle peut être propice à une évolution individuelle. Mais pas de l'humanisme luciférien au sens de ce qu'on a appelé la formation personnelle. C'est différent. Ce qu'on pourrait appeler, comme on appelait anciennement, c'est l'élévation de l'âme. C'est-à-dire, l'âme est allégée, c'est-à-dire on va brûler de la naïveté. Il y a de la mémoire inutile qui est détruite. Puis, ça va vers en haut, c'est-à-dire on voit plus ce qui se passe. Donc, Oui, ben en tout cas, moi ce que je peux dire, c'est que depuis le début de la crise, puis de prendre conscience d'à quel point on est corrompu, que ce soit au niveau juridique, gouvernemental, journalistique, médical, ben ça amène, à mon avis, une forme de désillusion que les gens pouvaient avoir là par rapport à ces différentes structures sociales. ah, puis ça, c'est toujours bon. Dans le sens que, à mes yeux, là, mais la désillusion, dans le sens, s'il y a une désillusion, souvent ça va avoir comme on voit ça comme négatif, là, oh, je suis désillusionné. Ben oui, mais c'est positif. Les gens, quand ils sont dans la désillusion, sont en panique puis à la recherche de d'autres illusions. Ben, c'est pas supposé être négatif. C'est la désillusion, ça veut dire que tu vois plus clair. Oui, ben ça enlève la naïveté, ça dépolarise aussi. Fait que là, l'affaire, c'est comme tout ce qui a rapport avec des rituels collectifs ou individuels. Il va y avoir une sortie de la pensée magique. L'affaire, là, ça, c'est au niveau de l'individu, parce que collectivement, on l'a vu, ça marche pas de même. Les gens qu'on. Il y a de plus en plus de gens à l'extérieur qui ont des masques au visage. Je veux dire, pourtant, c'est totalement illogique. D'un point de vue scientifique, ça se tient pas, à moins qu'il y ait du smog dehors. Tu sais, je veux dire, puis il y a beaucoup, là, au point que c'est dangereux, mais pour un virus aérien ou un virus qui se transmet par des gouttelettes de sécrétion, ça se tient pas de se promener dehors avec un masque ou de conduire, d'être dans son auto puis de conduire avec un masque. Mais il y a de plus en plus de gens qui le font. Donc, ça n'a rien à voir avec Ben, de la c'est-à-dire qu'on peut apporter nationalité. des nuances dans le sens que si c'est un masque N95 qui, dans le fond, est fait pour bloquer davantage, ça peut réduire plus la contamination, là. Ben non, essaie de m'expliquer ça dehors ou tout seul dans ton char. Non, je comprends. À ce niveau-là, à moins que la personne soit T'sais, rapprochée d'autres personnes à c'est sûr l'extérieur, là. que si tu as zéro chance d'être contaminé, puis que tu rajoutes des outils pour diminuer encore plus, Ouais, je c'est sûr que comprends. ça va marcher. Tu as déjà à la base zéro chance. Donc, tu sais, c'est un peu comme si je ramasse. C'est un peu comme la pensée magique. Je ramasse une amulette, puis je dis, bon, ben, cette amulette-là, elle éloigne les mauvais esprits. Puis là, tu me dis, prouve-moi ça, ben, gars, il n'y a pas de mauvais esprits en ce moment. C'est sûr que c'est sûr que techniquement, sur papier, ils éloignent les possibilités, mais sont déjà à zéro. Je veux dire, si tu es tout seul dans ton char, au niveau d'un virus aérien qui se transmet par des gouttelettes, tu as déjà zéro chance d'être contaminé. C'est sûr que le N95, il te rajoute en techniquement sur papier encore des chances, mais tu étais déjà zéro. Tu dis, ah, ben ça peut pas nuire. C'est vrai, mais ça peut pas nuire au niveau d'une transmission. Mais Oui. ça peut tenir au niveau d'une aération, d'une Ben oxygénation oui, ben ça dans prend plus d'énergie l'organisme. pour respirer. Ben là, tu sais, c'est là où ce que ça devient contre-productif parce que c'est pas rationnel, c'est illogique. Tu sais, c'est rendu comme l'affaire, les classes pour la qualité de l'air, on ouvre les fenêtres à moins 25. C'est évident que ces enfants-là, tu vas leur. Le fait qu'il y a des changements de température comme ça, que tu les laisses des heures comme s'ils étaient dehors, dans le fond, ben, tu augmentes leur chance d'attraper quelque chose, là. Ben oui. Fait que est-ce que ça fait sens, là? Est-ce que ça a du sens? Je veux dire, c'est donc bien ridicule. C'est complètement stupide, même. Je veux dire, quand ma mère était petite fille, là, c'était des écoles de rang, puis ça sentait le yop dans la classe parce qu'il y en a, il y avait le train à faire, fait qu'ils sentaient l'étable, puis il y en a, il y avait de la marde d'animaux après leurs bottes, puis il y a des familles, c'était bien pauvre, puis ils vivaient enfermés à la gang dans une petite cabane de quelques pièces, puis ils n'avaient pas accès à de l'eau en hiver, fait qu'ils se lavaient. L'air était vicié, là. Ben ça lui a forgé son système immunitaire. Parce que c'est au contact de. Pourquoi il vient de plus en plus au monde des enfants qu'ils sont allergiques à tout? C'est par le contact environnemental qu'on s'endurcit, qu'on se forge. Donc, de vouloir créer une société où tout est aseptisé, c'est le contraire de ce qu'ils disent qu'ils sont en train de faire. Puis c'est bénéfique pour qui? Ben, des compagnies. Pharmaceutique, qui Ben, a... sont allés dire que le système naturel immunitaire est moins bon qu'un système synthétisé. Ben, c'est sûr, notre immunité qui nous est fournie gratuitement par la nature, on va nous l'enlever puis nous la vendre synthétiquement. Exactement. Dans le fond, ça me fait penser un petit peu aux graines de Monsanto qui vont faire des manipulations génétiques sur des graines, puis après ça, les gens sont obligés d'acheter des graines à chaque année de la compagnie s'ils en utilisent, parce que sans ça, ils peuvent être poursuivis. C'est totalement stupide parce que ça devient des graines de plus en plus consanguines, si tu veux. Bien, ça crée une forme de dépendance à un produit. Fait que c'est sûr que si tu Ben affaiblis le là, système c'est immunitaire pas des juste gens. ça. C'est que même si tu prenais ces semences-là, puis que tu décidais de trier tes semences pour garder tout le temps les plus fortes, les plus fortes, vu qu'il n'y a pas la variété du bassin génétique naturel, ta semence, elle va s'affaiblir d'une récolte à l'autre. Oui. Ça n'a pas le choix. Elle va être de moins en moins de qualité. Fait que là, puis ça, là, en passant, là, ces règles-là, on vit dans un monde où c'est des compagnies qui vont nous vendre notre immunité, c'est des compagnies qui vont nous vendre nos semences. Ça, c'est bon juste pour la masse. N'importe qui fait partie qui est un petit peu plus haut dans la société, puis qui possède des terres, puis tout, il sait qu'il n'est pas obligé de vivre de même. C'est juste que les semences sur ses terres, puis tout, c'est pour sa consommation à lui, si tu veux. Ou, tu sais, je veux dire, il peut pas la commercialiser ou si sur un terrain spécifique, il peut pas. Mais il reste que des gens qui mangent des animaux qui sont parfaitement sains, il y en a. Mais c'est parce que c'est des gens qui possèdent des terres, puis qui ont des gens qui travaillent pour eux sur les terres, puis ils mangent leur propre viande, puis leur propre production. Comme il y a un couple ici en région, eux, ils élèvent du bœuf de Kobe. T'sais, c'est sûr, ça coûte 45$ un petit steak, là, mais si t'as les moyens, t'es pas obligé de manger de la marde. C'est ça là, que je veux dire. C'est-à-dire que toutes ces affaires-là, c'est comme là, l'affaire, là, l'obligation vaccinale, là, Legault, là, il est là à nous dire là, c'est obligatoire, puis il faut faire n'importe. C'est vrai juste pour la masse. Quelqu'un qui a les moyens, là. C'est pas vrai pour lui, il est au-dessus des lois, lui, parce qu'il fait partie d'un autre. Un autre niveau. Ben, j'en connais du monde ici, ils se feront pas vacciner, puis il n'y a personne qui les achale, il va les achaler, là. Il n'y a personne qui va oser. Puis même, il y en a un là-dedans, un bonhomme, là. Lui, là, il a déjà dit à quelqu'un que je connais, du moins, je suis au-dessus des lois. T'sais, puis j'ai pas le choix de considérer que techniquement, c'est vrai. Donc, là, toutes ces histoires-là, là, comme les gens immunosupprimés, c'est apparu comment ça? C'est apparu avec moi, dans ce que j'ai constaté au niveau environnemental, c'est que ça apparaît en même temps qu'est apparu les vaccins annuels puis pour l'influenza. Puis c'est drôle, tout le monde que je connais sont tous malades. Je veux dire, j'en connais du monde qui suivent ce que le gouvernement dit là, à la lettre, comme religieusement. Ben oui, Puis. ben c'est sûr que je vais mettre dans le fond Oh cette oui, tu partie sur mettras. De toute Odyssey, là, façon, ouais, à mais date, dans on le fond, parle le d'affaires point. que ça fait un bout que ça va être sur Odyssey, là, Oui, c'est si ça, tu vois exactement, là. d'autres choses que j'ai dit avant. Oui, c'est ça, là, dans les dernières minutes, je vais mettre ça aussi Là, sur Odyssey, là, mais dans le fond, je suis tu sais, d'accord je veux avec dire, toi, là. je pourrais le. Mais Tu on sais, peut en je parler pourrais ouvertement, là. prêter serment pour le dire, le monde que je connais qui ont tous suivi ça, une est rendue à tout le temps mal dans le ventre, l'autre a tout le temps mal à la tête. Il n'y a personne dans ce monde que je connais qui ont tous suivi ça qui va bien. Bien, c'est ça le point que je voulais en venir, c'est que j'ai discuté récemment avec Mona, qui donne des cours de yoga, qui est en contact quand même avec un bon bassin de population. Puis elle, ce qu'elle me disait, regarde, les gens qui suivent ça à la lettre, qui sont injectés, il y en a qui développent des problèmes de santé. Il y a beaucoup de témoignages aussi au niveau des lanceurs d'alerte, là, sur les réseaux alternatifs de gens qui développent des problèmes de santé suite aux mesures, les injections. Puis c'est toujours silence radio dans les Mais médias non, c'est comme officiels. ça n'existait pas. Ben c'est ça, c'est comme s'il n'y a plus Mais oui, d'effet mais je. secondaire. Moi, je le constate. C'est comme. Moi, ma mère, elle n'est pas. Elle n'a pas voulu, elle veut pas. Puis là, son pneumologue, il l'appelle l'autre fois, puis c'est un rendez-vous téléphonique. Puis il dit depuis 2 ans, vous n'avez pas eu de pneumonie. Puis là, elle dit non. Il dit, vous n'avez pas eu de bronchite? Puis là, elle dit non. Si vous n'avez pas eu des grosses grippes à rien, il était là. Non. C'est comme si il voulait qu'elle. Il fallait. C'est comme si ça ne se tenait pas. Elle est supposée être malade. Elle n'est pas malade, puis on dirait que le médecin ne comprend pas pourquoi. T'sais, Non, exactement, ça il fait pas parle au logique pour téléphone. C'est lui. comme s'il faut qu'elle soit Ben, malade. c'est ça, c'est qu'il essaie de trouver comme un prétexte pour l'amener à trouver une faille ou quelque chose pour qu'elle adhère au narratif officiel, là. Puis là, elle dit, ben non, je vois bien. Puis elle dit, vous avez faites pas, je check vos tests, là, puis vous faites pas d'anémie. Là, elle dit, non. Puis là, tu vois qu'il comprend pas, là. Non, c'est ça, il fonctionne en fonction de certains paramètres en lien avec le discours officiel, sans Ben doute. oui, mais je comprends pas, il serait supposé se réjouir. Mais lui, il sait pas qu'elle est pas, c'est juste le pneumologue. Il a pas accès à, tu sais, la personne qui sait que c'est plus le médecin de famille, puis lui, il sait pas que, puis il comprend pas. Puis là, je l'écoutais, puis après, quand t'avais raccroché, j'ai dit, c'est spécial, on dirait qu'il faut que tu sois malade, là. T'es supposé être malade, puis t'es pas malade, puis il comprend pas, lui, là, il est tout perdu. Elle a dit, c'est vrai, ça. Il insistait, là, vous êtes sûr? T'sais, elle doit toujours bien le savoir, ça n'a pas fait une pneumonie. Il me semble que tu t'en rends compte. Non, exactement. Donc, il se faisait insistant avec elle, puis c'est sûr qu'elle, elle ne répond pas à ses croyances, son cadre de croyances. Fait que là, lui, il est Ben non. déstabilisé. Ben surtout que ça ne fit pas avec ce qu'il voit probablement de ses autres patientes du même âge. Puis il comprend pas. Fait que là, moi, c'est comme l'affaire, elle, elle prenait toutes sortes d'affaires comme de la cortisone, toutes sortes de cossins qui. Elle a dit, je comprends pas pourquoi je suis rendu à la peau mince de même. Puis moi, ben, je vais pas dire au monde quoi faire jamais, mais je donne mon opinion. Puis quelque part, maintenant, avec le temps, ça l'a influencé un peu. Est-ce que tu peux te reculer juste un petit peu, Ouais. s'il te plaît? C'est C'est pas parce que. grave si le monde me voit pas de haut de la tête, là, sans joke. OK. Parce qu'il touche, je vais avoir mal dans le dos si je reste. Ah oh, non, non, mais je comprends. Mets-toi dans une position qui est confortable à ce moment-là, puis. Puis là, finalement, ça fait que sa santé s'est beaucoup améliorée. C'est drôle, hein? Quand je m'éloigne, on dirait que ça va moins bien la santé. Puis quand je me rapproche, oups, la santé va bien. Et tout, parce que j'insiste comme pour qu'elle mange bien. Puis. Mais moi, ce que j'ai réalisé au fil du temps, c'est le constat, puis les gens sont pas obligés d'être d'accord, c'est que la nature est comme plus intelligente que les êtres humains qui veulent jouer aux apprentis dieux avec des C'est sûr. maxins puis tous les cossins qu'ont inventés. Ben la nature, c'est le systémique, puis l'être humain, au niveau de son intellect, il n'a pas intégré le systémique. C'est sûr que c'est plus intelligent. Ben c'est ça. Fait que moi, dans le fond, par rapport à que ce soit les crèmes, là, ils parlent de il y a quelques jours des pilules anti-COVID, etc. Moi, je suis tout le temps très sceptique par rapport à tout ça. Puis pour moi, un peu comme tu le disais tantôt, le système immunitaire, pour moi, c'est ce qui est le plus fort. Le reste, ouais. Parce que comme moi, j'ai mon niveau de mes soins, de ma façon de prendre soin de moi, c'est une vieille façon de penser qui est proche quasiment de la théorie des humeurs. Puis j'ai une tu sais, au niveau là, de ce qu'on pourrait appeler là, ma médecine de bonne femme de maison, là, de la façon que je prends soin de moi, c'est une médecine qui est basée sur les liniments, les embrocations, puis des huiles. Puis, c'est pas parce que je fais partie d'une vision spécifique, j'ai tout le temps été porté à ça. Ça a tout le temps été par instinct, ce que j'ai, ce que, vers ce quoi j'ai tout le temps été, comme, mettons, là, que j'ai des troubles là, au niveau de ma gorge, puis tout, je vais être porté à me frotter le cou avec des liniments, avec beaucoup de menthol, puis de l'eucalyptus, puis des affaires de même dedans, quitte à me brûler la peau du cou, mais au moins, en dedans, ça meurt toute l'infection. Puis, de la façon dont. Puis. C'est bizarre, hein, mais la dernière fois que j'ai été vraiment malade, là, ça fait plusieurs années, c'est quand à ta fête, tu avais été malade. Quelques jours avant, je pense, j'avais été malade aussi, mais j'ai été malade 3 jours. Mais en lien avec ça, ce que je Mais je suis t'interromps, jamais oui, malade. je t'interromps pour te dire que c'était pour les gens qui nous écoutent en 2020, au mois de février. Et quand que j'étais tombé malade, puis toi aussi, la particularité, c'est qu'il y avait eu la sortie d'un livre qui nous impliquait tous les deux en lien avec les transcriptions d'entrevues qu'a fait Issia Perrin. Pourquoi que je parle de ça? C'est que il y a des gens, je pense entre autres à Michel Labrèche, qui racontait, c'est sûr on peut en discuter parce que c'est une théorie parmi tant d'autres, que lorsque la personne publie un livre, qu'il y a un mouvement d'énergie qui est fait vers le public, à ce moment-là, la personne peut plus tomber malade, être comme plus vulnérable. Ben, moi, je vois ça un peu comme de la rationalisation parce que ça a été très léger, là. Mais il reste que je vais avoir des problèmes de santé, genre des douleurs chroniques. OK. Il reste que je vis avec des douleurs chroniques à tous les jours, là. Mais c'est pas de. Je suis pas malade. C'est pas des maladies. C'est des conséquences de toutes sortes d'affaires, là. Mais comme par exemple, j'ai l'estomac qui a été magané par de la médication d'il y a longtemps. Puis, mais il reste que je suis jamais malade. J'ai un bon système immunitaire, puis je cicatrise très, très rapidement, le plus vite que la normale. Tellement, là, je me coupe une journée, puis le lendemain, c'est fermé. Bon, ben, Puis, tu c'est sais, c'est efficace. vraiment rapide, là, anormal. Mais en est Même, que... je peux... Oui, Mais c'est ça. il reste que... C'est sûr que, par expérience, c'est au niveau de mon expérience personnelle, j'ai pas confiance à la médecine de maintenant. D'aucune façon. Ben, moi non Parce que plus. je l'ai subi. T'sais, ils m'ont scrapé l'estomac, ils m'ont scrapé mes dents. Ils m'ont vraiment rendu malade. Pour des conneries en plus. Je veux dire, comme étant enfant, j'ai eu un deuil difficile à passer à travers, puis c'était normal, puis j'avais pas les outils pour, puis c'était de quelqu'un de proche, puis eux autres, tout de suite, ah, c'est une dépression, puis tout de suite, les antidépresseurs, puis ils m'ont rendu malade avec leur niaiserie. Ils m'ont vraiment, c'est vraiment du poison, là, toutes ces molécules-là, tant qu'à moi, c'est vraiment du poison. Puis c'est comme, ils comprennent plus qu'il y a des processus psychiques normaux. Tout est une maladie physiologique dans la Ben, star, c'est c'est ça, c'est rendu. la surmédication qui fait qu'au lieu de considérer certains événements comme un deuil, comme une contrariété du quotidien ou une perte d'emploi, ben là, c'est interprété comme, ah, non, il faut médicamenter la personne, puis elle a plus le droit de vivre de l'inconfort, tu sais. Puis là, en plus, là-dedans, il se met dans le jeu un paquet d'affaires, genre des intérêts au niveau d'un marché. Donc, notre gouvernement, étant donné que c'est lui qui fournit l'assurance médicaments, puis tout, donc ça devient qu'on a des lobbyistes, puis que là, la population s'est rendue des cobayes pour des nouveaux marchés, puis des nouvelles molécules. Fait que, Exact. il reste que même dans ce temps-là, j'avais pas confiance. Je prenais jamais longtemps ce qui m'était prescrit. Ben, Tellement c'est des... sûr qu'en lien avec ça, moi, j'ai grandi avec une mère qui était très sceptique. Elle, son point de vue était très simple. Moins de médicaments, mieux c'est. Fait que là, elle m'a toujours dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre un médicament ou, tu sais, ça a été toujours le moins possible. Ben oui. Puis, c'est sûr que, oui, j'écoute. Ben non, ben Non, c'est sûr j'allais qu'en finir, mais... lien, ok, parfait. Fait que c'est sûr qu'en lien avec ça me faisait penser ton propos à un documentaire que j'avais écouté il y a quelques années, et c'était en relation avec l'industrie pharmaceutique aux États-Unis, et dans le fond, ça visait à dénoncer la surmédication des problèmes de santé mentale, puis que le DSM s'est élargi, entre autres, la pression de lobby pharmaceutique pour vendre davantage des antipsychotiques, antidépresseurs et autres. Ben, c'est ça, là. À un Dans le point sens tel que que... ça devenait caricatural. Le moment le plus drôle du documentaire, c'est qu'il y avait une pression telle du lobby pharmaceutique que c'était rendu à un point qu'un enfant de 2 ans qui faisait une crise, il faudrait que tu le médicamentes, puis tu le considères comme étant bipolaire, là, tu sais. Hey. En plus, la maniaco-dépression, c'est bien rare que ça va se développer, jeune de même, Ben là. non, mais c'est ça, l'enfant, il se Ça se développe. tient pas, Ben là. non, c'est ça, c'est trop précoce, trop prématuré. Mais là, il était rendu à un stade de l'absurde à travers toute la pression pharmaceutique pour amener les gens à réaliser que ça n'a pas de sens de médicamenter les jeunes de plus en plus bas en âge. Fait que c'est de rentabiliser la population, Ben même au oui. niveau de ses problèmes. Fait que si le DSM, qui est censé être un ouvrage scientifique, est influencé par des intérêts au niveau de des marchés, ça veut dire que ça vaut rien. Puis même ici au Québec, là, on a une, là, elle est souvent à TVA, c'est une pharmacienne, mais elle est professeure aussi de pharmaceutique, là. Pas Diane Lamar. Oui, Diane Lamar. Moi, là, je la considère comme une lobbyiste, c'est évident. C'est ça qu'elle Ben est. oui. Fait que tant qu'elle la passe pour un expert, de toute façon, même quand j'avais le triangle de Cartman, j'expliquais comme à Maton que le sauveur, c'est un médicament. Là, telle autre position, ça va être un expert. Tu sais, à un moment donné, où ben, c'est exactement ça, c'est exactement ça, Diane Lamar. Dans le sens que c'est une lobbyiste, elle est à la TV, puis c'est politisé au bout, là. Il mêle ça à la politique, c'est-à-dire que là, les intérêts par rapport à faire de l'argent en rentabilisant la population, le lobbyisme, il est rendu en politique, ça fait longtemps, là. Fait Ben que. oui, ben c'est sûr que pour en revenir au DSM, donc le Diagnostical Measurement, puis en tout cas, il y a d'autres lettres, là, mais c'est utilisé là, pour faire des diagnostics psychiatriques. Dans le documentaire, ce qu'il expliquait, c'est que c'est par des consensus entre des experts qui sont venus à des définitions. Mais en réalité, c'est des constructions intellectuelles. Tu sais, tu regardes par exemple la schizophrénie. Bon, mais si tu réponds à tel critère, entendre des voix, ensuite, il y a plusieurs éléments. Ah, si tu corresponds à la liste, on dit que tu es schizophrène, mais ça te prend 7 critères sur 10. Tu sais, Non, c'est n'importe ah quoi, oui, là. c'est ça, c'est des constructions abstraites. C'est pas comme la médecine qui va, par exemple, traiter un problème de hanche, où ce que là, tu vois que la Ben hanche là, est c'est cassée ça. sur une radiographie, c'est clair, c'est pas équivoque. C'est parce que c'est ça, la médecine, c'est pas une science concrète exacte au sens de tout ce qui est psychique. Là, parce que c'est pas physiologique. Il va avoir des liens avec la physiologie, mais c'est pas juste ça. C'est plus subtil que ça. Pourquoi? Ben parce que justement, l'être humain, il est multidimensionnel. Puis là, quand tu arrives là, tu sais, je veux dire, même cette multidimensionnalité-là, au niveau d'une hanche cassée, ça va avoir de l'influence. Parce que si la personne, elle va pas bien psychiquement, ben ça va guérir moins vite. Mais il voit ça à l'envers. S'il met à l'envers tout le temps, ce qui est psychique viendrait du physiologique à leurs yeux. Tandis que le physiologique, c'est une densification de tout le reste. Fait que de toute façon, il reste que tout est subjectivé par des intérêts, puis il n'y a plus personne. C'est ça, je veux dire, il n'y a plus personne qui travaille pour l'intérêt commun. Non, c'est C'est tout le temps ça. l'intérêt. Mais C'est juste des te petits. montrer l'aberration, ce que ça vaut, comme je te disais tantôt, d'être au point de, dans le fond, médicamenter un enfant de 2 ans parce qu'il fait une crise. Là, ça fait Ben oui. voir comment que c'est absurde. Puis c'est la même chose pour les animaux en passant. Pas toutes. Ben oui, parce qu'il y avait quelqu'un qui me rapportait que son animal, dans le fond, le vétérinaire lui proposait que l'animal prenne des antidépresseurs. Mais là, comment tu fais pour diagnostiquer une dépression? On ne le sait pas, dans le fond. Ben Je veux oui, mais dire, c'est ça, là. C'est parce que si là. l'animal il a une douleur chronique, ça se peut qu'il mange un peu moins, qu'il bouge un peu moins. Puis l'affaire, c'est que même juste le fait de, comme une femme enceinte, puis l'accouchement, c'est surmédicalisé, là. Tellement que, admettons, une femme, qu'elle décide de dire, ben moi, je veux pas. Bon, le téléphone qui sonne. Je veux pas accoucher à l'hôpital, je veux accoucher à la maison. Puis, dans certaines régions du monde, elle va être considérée comme ayant pas toute sa tête. Donc, c'est une médicalisation des choses naturelles, même de la mort. Mais comme on avait parlé avant que ça devienne légal, l'euthanasie au Québec, ben, le suicide assisté, ou bon. Puis je Mourir dans disais le la problème. dignité, comme diraient Ouais. certains. Et je disais, le problème, c'est qu'il va y avoir des dérives. Il y a des fonctionnaires, ils vont vouloir faire du ménage, là. Sais, c'est pas parce que quelqu'un a plus de qualité de vie qu'il faut l'euthanasier systématiquement, là. Puis là, je disais, il y en a, ils vont se faire euthanasier sans leur consentement, puis ça va être des décisions administratives, au fond. Ben, pendant la crise du COVID, tant qu'à moi, c'est ça qui est arrivé. Tout le monde qui a été fini à morphine. Ils ont arrêté de les nourrir puis lui donner de la morphine, ou bien ils se sont servis d'eux comme cobayes pour leur donner du remdesivir et toutes sortes d'affaires qui n'ont pas de bon sens. Là, il y a un paquet de témoignages là-dessus que je considère comme fiables. En France, c'est du Rivotril. Ils ont fini au Rivotril. Quand on avait parlé, avant que ça devienne légal, on avait parlé. J'avais dit ça va ouvrir la porte à un paquet de dérives. Puis. C'est pas, on peut pas médicaliser la mort comme si c'était une maladie. Ben non, même là, c'est encore une nouvelle part de marché. Ben La oui. mort, c'est pas une maladie. Tu sais, il y a de quoi qui marche pas, là. C'est comme, ça va contre. Tu peux pas. Il y a une différence entre. Tu sais, à mes yeux, moi, ça, je veux dire, c'est comme le serment d'Hippocrate. Moi, à mes yeux, tu peux pas. Il y a de quoi qui marche plus. La médecine, c'est plus de la médecine. Ils devraient trouver un autre terme puis avoir une autre branche de autre chose que ça, c'est plus de la médecine, là. Ça n'a plus rien à voir. Aider quelqu'un à mourir, là, on est dans le domaine ce qu'on appelait dans le temps, là, tu sais, les dernières miséricordes, là, comme dans le temps qu'il y avait des petits crucifix en forme de poignard puis achevaient du monde. Mais c'était pas des médecins qui faisaient ça. C'était des religieux qui faisaient ça. Le temps que ça s'est fait, mais c'était pas vu comme de la médecine. Je veux dire, aujourd'hui, on est plus subjectif qu'à la Renaissance, là. C'est rendu vraiment n'importe quoi. Puis tout est un marché, puis c'est tout le temps l'énergie. C'est pour l'énergie du monde. Je veux dire, le Exactement. support. Parlant de marché, avec les injections de vaccins de plusieurs doses, moi, ce que je vois, ce qu'ils cherchent à installer, on en a déjà parlé aussi, là, c'est l'histoire de l'abonnement, là, vaccinal, là. C'est-à-dire, bon, ben, ça va prendre des doses, puis là, de ce que je vois, c'est de plus en plus rapproché. Puis là, il va y avoir, une quatrième dose, là, qui va se développer pour le mois de mars en fonction du variant Omicron, qu'ils vont vouloir que les gens apprennent. Mais pendant ce temps-là, il y a le sous-variant Omicron qui se développe. Fait qu'ils ont toujours une coche en arrière par rapport aux Ben nouveaux oui. variants. Fait que finalement, c'est sans fin parce qu'ils ne pourront pas éradiquer ou neutraliser tous les variants comme ça. Tu sais, c'est fou, là. Ben, on en avait parlé même avant que ça devienne de même. Puis je disais, c'est pas vrai ça, qu'une dose à manquer 75% du monde, là, on va avoir les libertés. Ça va être une deuxième dose, une troisième, puis après 75%, ça va être 80, puis 85, puis 80, jusqu'à 100%. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est 100%. Ils l'ont pas dit explicitement, mais implicitement, Ben non, tout on est. le savait d'avance, Ben on en oui, avait parlé. ben oui. Puis je disais, c'est comme un élevage de porcs. C'est comme les porcs, là, quand mettons que tu élèves des porcs, il y a bien du monde qui élevait des porcs dans leur famille, puis qui, rendu à une certaine génération, ils ont arrêté parce que c'est devenu trop complexe. Parce que là, les porcs, t'as tellement de choses à leur faire. Il faut qu'ils aient leur vaccin, il faut qu'ils aient leurs antibiotiques. Les truies, il faut qu'ils accouchent dans des. On vit dans une province que l'endroit où les truies accouchent, les exigences de propreté sont plus grandes que où les humaines accouchent. Oui, exactement. Puis au fil des décennies, les porcs sont devenus comme de plus en plus fragiles. Ils sont de plus en Ben plus oui. médicamentés que des antibiotiques, Fait que paradoxalement. c'est un cercle vicieux. Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qui est important, c'est pas le marché des gens qui achètent du porc. L'important pour eux autres, ce qui rapporte le plus, c'est le marché de ceux qui vendent les conditions qui rendent possible d'élever du porc au niveau d'une industrialisation de la production. Là, ça devient grave, là. Parce qu'on va finir par manger de la peau de pète. Dans le sens que moi, j'ai pas envie de manger des porcs de même. Ben, Qui c'est ça, sont. rempli d'antibiotiques, de produits chimiques, d'hormones de croissance ou autres. Mais ben là, ça devient. C'est là, je peux comprendre. Qui commence à avoir des végans? Il y a de quoi? C'est rendu à un point que on se dit, ben là, ça continue, on va pouvoir manger juste. Comme je connais, dans le coin, il y en a un qui produit, lui. Parce que j'avais voulu acheter un marcassin. Lui, il produit du sanglier. OK. Puis il n'y a pas toutes ces exigences-là, mais ça va finir par arriver. Ouais, ils vont sans doute le standardiser, puis mettre des formes, puis les fonctionnaires sont bons pour créer des procédures par-dessus procédures. Ben oui, puis dans le temps, ça fait longtemps de tout ça, mais j'avais voulu acheter un marcassin parce que je voulais faire un petit cochon de lait. Puis là, le gars, il était prêt à me le vendre, puis tout, puis il dit, je vais aller te le porter avec de la moulée. Puis je vais dire, ah, quoi? Tu commences ça de la moulée? Ben, il dit, ben, c'est quoi, toi, tu veux un cochon arrangé? J'ai dit, oui. Moi, je veux l'acheter pour le faire. Il dit, ah, ben, moi, j'allais te le livrer vivant, là. Je fais pas ça, là, de l'abattage, parce que là, les lois pour l'abattage, il fallait aller d'une patente d'abattage mobile, puis ça finissait plus, puis c'est encore le gouvernement, ça, qui a mis des standards qui n'ont pas de sens. Tandis que dans le temps, comme un autre cultivateur, lui, il m'expliquait, il dit, moi, quand je voulais égorger un cochon, là, ou que pour ma consommation, là, le gouvernement, il a pas à s'en mêler, je décide que je tue un cochon, il dit, j'achète une king can. Il dit, je mets ça dans un plat, puis il boit tout ça d'une traite. Puis il dit, se ramasse sous mort. Il dit, là, j'égorge mon cochon. Il dit, il a connaissance de rien. Il dit, ça, c'est mes standards à moi. Parce qu'après, il m'avait expliqué, il dit, ce qui est de la façon qu'ils abattent les porcs, c'est en les électrocutant là, dans le temps. Là, c'est en les électro. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Ils rentrent tous dans une boîte, c'est mécanisé, là, puis là, ils les électrocutent, puis de temps en temps, il y en a un qui est encore. Il dit, ça n'a pas Vivant, d'allure. C'est inhumain, je veux dire, en force, sous prétexte d'humaniser, on est de plus en plus inhumain. Sous prétexte de l'avancement technologique, on est de plus en plus arriéré. ben, ça fait partie des paradoxes, tu sais, au nom de la santé, puis justement de l'hygiène, on est dans une situation où ce que les gens sont de plus en plus avec des allergies, là, si on pense aux jeunes. Fait que ce qu'il faut voir, c'est ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui se perd quelque part. Parce que c'est pas normal qu'on nous dise qu'il faut être de plus en plus en santé, puis on est de plus en plus malade. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a un processus où il y a un groupe de personnes qui détournent l'énergie. Là, c'est facile à voir. C'est tous ceux qui ont des conflits d'intérêts, des lobbyistes, puis du monde qui font de l'argent avec ça. Il est là le problème. Donc, la vraie, vraie, là, maladie, est là. Je veux dire, c'est ça, c'est de la corruption. Puis cette espèce de manque d'empathie pour son prochain. Parce que l'autre, là, qui disait aimez-vous les uns les autres, là, il est là le problème, là. Il faut vraiment. C'en est ça de l'inconscience. Tu sais, c'est pas normal du monde qu'ils ont travaillé comme. Ils ont des politiciens qui ont été ministres de l'Éducation, du monde qui ont travaillé dans le ministère de l'Éducation, qu'ils savent que leur réforme va faire en sorte que d'une année à l'autre, les élèves, les compétences vont être moindres. Ils le savent. Mais pour des raisons, dire, ah ben moi, mes enfants, ils vont dans des écoles privées, puis j'ai moyen de payer Harvard à mon gars, puis d'envoyer ma fille étudier en Suisse dans une école privée, puis ces enfants-là qui vont dans le système public, c'est des enfants de Joe Blow qui punchent pour travailler. C'est pas de mes affaires, c'est pas mon problème. Moi, je fais ce... Il y a un problème là, grave, là. Si c'est C'est vraiment. intentionnel, mais ça se peut que les gens soient inconscients puis suffisamment naïfs pour croire Ils que se leur ferment réforme. les yeux parce que ça fait leur affaire. Ben, c'est sûr qu'ils ont Parce que c'est évident, c'est l'évidence même. Ben, c'est sûr qu'au niveau des réformes de l'éducation au Québec, moi, je vois ça comme une industrie qui permet à des gens de vivre. Parce que le jour où ce que les réformes seraient vraiment efficaces, ben, il n'y aurait plus autant de chercheurs pour développer d'autres réformes pour compenser les failles des autres réformes. Donc, on C'est est. parce que c'est du nivellement vers le bas, puis à long terme, là, on va se ramasser tout dans la marde. Puis on va avoir des nouveaux maîtres qui viennent d'ailleurs, que le système a plus d'allure. Puis ils vont nous traiter comme ce qu'on est, c'est-à-dire des arriérés, puis des barbares, puis avec mépris. Puis ils vont avoir raison. Le monde ne comprend pas qu'il y a du monde qui ont toujours eu intérêt à ce que les Canadiens français restent pauvres et ignorants. Puis que ceux qu'on a de Canadiens français qui sont ni pauvres ni ignorants, c'est une caste de lâches qui ont vendu les autres. C'est des traîtres. Systématiquement. Qu'elle vienne pas me faire chier, moi, Denise Bombardier, à chiale. Oh, le français, on voit que les gens, on a beau mettre des millions et des milliards, les gens ne sont pas plus instruits, blablabla. Ça a été la conjointe de Lucien Bouchard. Elle va me faire à craque, elle comprend pas ce qui est arrivé. Mais elle, là, elle est tellement corrompue jusqu'à là, parce que dans elle, elle va tenir mordicus ce qu'elle dit puis sa position, même si c'est évident que ça marche pas jusqu'à sa mort, C'est à ça, mais à force de 81 ans. répéter quelque chose, ça s'ancre de plus en plus d'une manière rigide, puis ça se peut qu'elle le croie, On peut là. pas reculer. C'est comme Justin Trudeau. S'il fait une allocution aujourd'hui, il va s'adresser à la majorité des Canadiens qui suivent correctement les règles puis qui ont été inoculés correctement. Pourquoi? Parce qu'il peut pas reculer. Il peut pas. C'est du monde limité. Dans C'est le sens ça, mais qu'ils là, sont pas capables de transcender ce qu'ils sont. ça va être intéressant de voir le rapport de force avec les camionneurs, dans le sens que si lui ne recule pas, les camionneurs vont dire, bon, on va rester là. Oui, T'sais. puis lui, il a intérêt. Je le sais que le monde ne se rend pas compte de ça, mais il a intérêt à laisser traîner le problème. Ça fait son affaire. Autrement dit, si la situation se pourrit, il va être encore plus justifié dans Ben oui. sa situation, dans le sens qu'il va dire, ben là, c'est à cause d'eux autres, il y a des pénuries, etc. Ben moi, le monde, ils me font rire, ils sont là. Ah, oh, là, il est parti se cacher. Il n'est pas parti se cacher. Au contraire, c'est un retrait stratégique, puis il laisse pourrir la situation. Puis là, oh, il a peur, puis il est allé se cacher. Il a pas peur, puis il est allé se cacher. Il est à son QG à reviser les affaires, puis avec sa gang, puis les autres, ils sont gros durs, puis ils rient. Puis tout va bien, là. Tout va sur des roulettes. Puis, oh, il a l'air fin, là, Trudeau. Ottawa est assiégé. Voyons, c'est dans son intérêt, puis intérêt à laisser pourrir ça. C'est à son père, là, il faisait exprès pour aller haranguer les émeutiers, puis les gens qui manifestaient. Lui, il est d'un autre style, il est plus fine mouche un peu, mais c'est plus la même, on n'est plus dans les mêmes années. Mais il reste que c'est ça pareil, là. Non, mais je comprends. C'est un petit peu comme la personne qui provoque les opposants pour qu'il y ait une escalade pour ensuite justifier des mesures encore plus répressives qu'il y avait avant. Ben, Gars, là, aujourd'hui, là, j'ai lu la chronique à Madame Bombardier, puis elle disait l'armée est sur le qui-vive. Elle tient ça d'où, elle? Il y a ça dans sa chronique, c'était l'armée est sur le qui-vive. Je serais curieux de dire un instant, là, vous tenez ça d'où, là? C'est ça, donnez-moi vos sources. Ben oui, mais elle a fait partie d'une clique. Ben oui, elle fait partie du système. En Fait. passant, tu l'imites très bien. Je veux mentionner aux gens qui nous écoutent que tu as fait récemment là, deux capsules vidéo là, sur ta chaîne où tu fais une Ben, je l'ai. imitation. Ben moi, je trouve que tu l'imites bien là, Je avec. l'ai pas tout le temps bien parce qu'il faut que je m'imite comme dans l'espèce de vibration. C'est une vibration, hein? C'est une espèce de frustration qui sort, c'est un Monsieur défi. Bertold, vous ne comprenez pas le français au Ouais. Québec. Ben, c'est comme la deuxième, là, je l'avais pas trop bien, mais c'est parce qu'elle, c'est difficile de se mettre dans son beat, là, de la façon qu'elle prononce, elle prononce chaque syllabe, là, comme, c'est comme, c'est déplorable, elle va pas dire déplorable, c'est déplorable. Les Ouais. bleus, chaque syllabe, c'est comme dans le temps de la vieille chanson, là, tu prononçais même les E, là. Ma vie, Bon, ben, elle est un peu comme ça, parce qu'elle, dans sa jeunesse, c'était Jacques Brel, puis des affaires de même, là, Yvette Brind'Amour au théâtre, puis les philosophes comme Michel Foucault, puis elle est vraiment enfermée dans un monde où elle n'est pas capable de s'imaginer que du monde qui sont venus après elle sont capables d'avoir une culture qui la cote un peu. Elle est enfermée dans une subjectivité de mépris de classe, puis c'est ça qui la limite. Mais c'est pour ça qu'elle est prise aussi dans. Je veux dire, ça se sent, là. T'sais, c'est comme quand tu es allé dire, au fond, ces gens-là, ils revendiquent le droit de se tuer eux-mêmes et de tuer leurs semblables. C'est tellement, tellement, tellement stupide. Il y a des affaires que j'y ai fait dire que c'est des choses qu'elle a écrites ou qu'elle a dit pour vrai, Oui, mais il oui. faut les mettre un en arrière de Oui, l'autre pour se oui. rendre compte à quel point ça se tient pas, puis Mais c'est non, mais c'est stupide. ça, je l'ai même conservé son article là, où ce qu'elle disait ça, puis elle incitait entre autres les gens à faire la guerre aux anti-vax. Puis en Et ouais. complémentarité avec son propos, tu vois Dubé qui va dire qu'il faut protéger les anti-vax contre eux-mêmes. Ben oui. Fait que là, moi, j'ai fait dire, faut leur déclarer la guerre pour les protéger d'eux-mêmes. Ce qui est, c'est tout le temps de l'absurde, je veux dire. Dans le fond, c'est là qu'on voit qu'elle, elle pousse un agent, elle respecte pas ses lecteurs, premièrement. Elle pousse une idéologie Mais elle a pu qui est pas pour croire elle. subjectivement respecter ses lecteurs en disant que je fais ça pour leur bien dire ça, là. Ben voyons donc. Quand que t'es sincère, puis ça va se tenir, ce que tu dis, tu vas pas te contredire en faisant justement du patinage de fantaisie intellectuelle pour que ça ait l'air de se tenir. Elle, c'est ça qu'elle fait. Je veux dire, elle est là à chialer contre les sophismes puis les truismes, mais quand que c'est pour pousser une idée ou un agenda qui se défend mal, elle est dedans, Ben oui, ben je là-dedans. l'écoutais récemment, elle disait que les complotistes ont perdu toute forme de rationalité, puis elle l'a pas perdu dans ses propos. Ben, c'est parce que c'est un peu comme le point Godwin. Il peut plus avoir de débat possible. Si tu dis l'autre est totalement irrationnel, tu peux pas débattre avec. Puis elle, c'est ce genre de mépris technique-là qu'elle a. C'est-à-dire, elle va dire, ben là, tu sais, au niveau sémantique, t'as pas le bagage, pas au niveau rhétorique non plus. Fait que ça donne rien de débattre avec moi. C'est ça du mépris de classe, dans le sens qu'elle, elle fait partie de la race des seigneurs qui ont le droit de décider pour toi pis moi. C'est à ça que ça revient. Ben, si elle dit, eux autres sont complètement irrationnels, ça veut dire qu'il peut pas avoir de débat possible. Tu Ouais, c'est peux ça, ils pas sont pas débattre. parlables. Ben, c'est ça. Fait que ça revient au point de Godwin, c'est comme traiter quelqu'un de nazi. Tu sais, je veux dire, tu peux pas, il n'y a plus de débat possible, là. Ben, Parce c'est que ça t'as que diabolisé l'étiquette qui l'autre. est utilisée de complotiste depuis plusieurs mois ou de COVIDio, c'est le but de ces sobriquets. Ouais. Ben oui, puis justement, c'est pas des arguments, ça. Justement, elle veut pas débattre. Elle est dans la logique de c'est une idéologie, puis t'obéis ou t'es. T'sais, ou ta gueule. Ben, c'est ça. C'est soit que tu te soumets ou sinon tu es décrite comme étant l'ennemi. Fait que tout ce monde-là qui ont été jeunes dans les années 50, 60, ils sont souvent corrompus au niveau de. Dans le fond, c'est des espèces de néo-marxistes, dans le fond. Regarde, chose, là, comment qu'elle s'appelle, là, celle qui a détruit la carrière de Ghislain Tremblay pour éduquer le Québec, là. C'est pas. Voyons, l'amour avec un grand A, là. Elle Ah, Jeannette Benzorge Bertrand. Bombardier, c'est ça, Jeannette Bertrand. Elle, dans quelle famille, là, subtilement, elle faisait la promotion de ces idées-là. Comme sa fille la plus grande, elle lit les pensées de Mao, puis. Dans le fond, eux autres, ils se sont fait rentrer dans la tête que le progressisme, c'était celui-là. Puis, on a affaire à du monde, dans le fond, qui sont des espèces de marxistes, qui sont des espèces de gens qui considèrent qu'ils font partie de la classe des penseurs, puis eux autres, ils vont nous éduquer. Au fond, ils sont méprisants, puis ils détestent les gens. Je veux dire, même Madame Bombardier, t'as juste la lire, on sent le mépris, puis la haine, puis la frustration, puis l'espèce de. C'est vraiment. Comment je pourrais dire ça? Gars, Anne-Marie Dussault, on le sent de. Cette madame-là, elle me connaît pas, pourtant, je suis sûr qu'elle m'haït. Je le sais qu'elle me déteste, ça ne peut pas faire autrement. Ce monde-là, ils nous haïssent. Ils font partie de... Ils vivent dans une bulle, ils vivent dans un autre monde. C'est vraiment. Puis il n'y a rien à faire, là. Je pense réellement qu'il n'y a rien à faire parce qu'on le voit. Je veux dire, tu peux regarder la carrière de quelqu'un de la fin des années 60, puis là, puis tu te rends compte que même rendu à 80, 85 ans, ils sont incapables de Bien, sortir de ce qu'il ça. faut dire aussi, c'est qu'au fil des décennies, les croyances ont tendance à se rigidifier davantage. Donc, moi, j'aime ça comparer ça à un arbre, que quand que l'arbre est jeune, ben là, tu peux leur dresser un peu, mais à mesure que le tronc s'élargit, ça devient de plus en plus rigide, ça devient de plus en plus difficile à changer. Ben oui, puis c'est aussi, faut pas oublier que ces gens-là, ils ont les mêmes, je veux dire, c'est comme le reste du monde, c'est-à-dire, ils ont les mêmes craintes refoulées, ils ont les mêmes troubles psycho-affectifs, puis plus ils vieillissent, plus ils ont besoin de se rassurer, puis de se confirmer au niveau de leur fausse identité intellectuelle. Fait que c'est sûr que Denise Bombardier, au lieu de voir ce que l'autre veut dire, elle va toujours dire Ah, mais vous employez des mots que vous ne comprenez même pas. Pour pas débattre, pour pas. C'est du monde qui ont peur. Ils ont une certaine peur de certains types de psycho-affectivité puis de liens. Parce que ils ont eu des. C'est sûr, Madame Bombardier, elle a vécu des choses qu'on sait pas. C'est le cas de tout le monde. Ben, c'est sûr Jeannette qu'elle a Bertrand, toi, peut-être as dû vu. vivre des. Ouais, c'est ça. T'sais, parce que des fois, les gens vivent des traumatismes, puis il y en a pour compenser une faille ou un sentiment d'infériorité, vont se donner une autorité intellectuelle. C'est ça, ben, ce qu'on appelle des activités de compensation. Puis plus la personne n'est pas capable de transcender ça, d'habitude, plus que le vécu est souffrant. Mais ça ne veut pas dire que normalement, un vécu souffrant, ça peut faire que tu vas avoir plus d'outils si tu es capable de rentabiliser ça, d'intégrer l'expérience. Mais on a affaire à du monde qui ont été tellement confirmés dans leurs idées de grandeur, souvent, puis qui n'ont pas. Quelqu'un qui a jamais vraiment là, été dans la grosse marde, là. Puis, pour ça, souvent, c'est du monde qui viennent de. C'est des gens privilégiés. Comme Anne-France Goldwater, elle a grandi à Outremont, dans une grande villa que sa grand-mère avait des meubles rococo là, en dorure. Puis pourtant, elle venait à bout dans son livre qu'elle écrit son autobiographie. D'essayer de nous faire à croire qu'elle avait eu une enfance là, d'une pauvreté puis d'une souffrance là. Je lisais ça puis j'en revenais pas. Oh, sa grand-mère était froide puis hey, moi mes deux grand-mères étaient assez froides, merci. Mais j'ai pas grandi dans une villa d'Outremont qu'il y avait une salle de télévision à part du salon puis ça avait avec une chambre de bain pour chaque chambre. Hey, puis qu'elle s'est fait payer ses études. Oh, ma mère s'est suicidée quand j'étais petite. Puis moi, tout, j'ai du monde proche qui sont morts quand. Mais elle, dans sa tête, elle a énormément souffert dans son enfance. Pourtant, tu regardes ça, c'est une privilégiée. Elle vient d'un milieu Mais il faut faire privilégié, puis elle a attention eu de parce la qu'il y a une chance. dimension subjective dans la souffrance, puis quelque chose qui peut être un traumatisme pour quelqu'un n'est pas nécessairement pour l'autre. Chacun n'a pas la même C'est ça que je programmation et t'ai les mêmes dit. corps d'énergie. Non, mais je te parle au niveau d'une subjectivité par rapport au milieu d'où tu viens. Parce que comme je t'ai dit, ta souffrance, tu es supposé être capable, tu peux la rentabiliser aussi, puis intégrer, pour justement transcender la subjectivité de ta condition, mais il y a du monde qui ne sont pas capables. Puis ils vont tout le temps regarder de haut du monde qui ne viennent pas du même milieu, si on peut dire. Ils sont pas capables d'avoir l'empathie réelle de se mettre à la place de d'autres. Parce que moi, je t'avoue, là, comme je l'ai lu jusqu'au bout, tel son livre. Même, c'est un add-on parce que ma mère avait reçu ça en cadeau à Anne-France Goldwater, son livre, puis finalement, c'est moi qui l'ai lu. Puis il y a bien des affaires là-dedans, là. J'aurais pu souligner ça, puis prendre comme exemple, puis dire, arrives-tu de nous autres, là? Parce que le fait qu'elle a eu une grand-mère froide, puis qu'elle nous en parle comme une souffrance extraordinaire, quelque chose qui est. Moi, à mes yeux, t'es supposé avoir intégré ça, puis transcendé ça à un moment donné. Il n'y a rien là, là. Il n'y a vraiment rien là, là. C'est pas si pire, là. Mais là, ah, il manquait la figure maternelle parce que sa mère s'est suicidée. Moi, ça me porte plus à regarder vers le côté filial d'un certain type de faiblesse mentale, puis aussi du côté de Ben, l'endoctrino-psychologie. c'est parce que dans le fond, la grand-mère n'a pas été capable de jouer le rôle du substitut à la mère d'une manière adéquate si elle était froide. Puis elle n'a pas d'autres référents féminins significatifs comme figure parentale substitut. À ce moment-là, ça peut être vécu comme une forme de carence d'animaux, si je le prends en termes jungiens. C'est là où je te dis, ça explique bien des affaires, puis on voit qu'il y a des affaires qui n'ont pas été intégrées. Puis ça, c'est dangereux. Parce que là, on a affaire à quelqu'un que, en ce moment, a fait la promotion justement d'un paquet de mesures qui sont en train de détruire toute une génération d'enfants, puis elle a mis son énergie à défendre des chiens. Oui, mais moi, je serais curieux de voir la fonction symbolique des chiens dans sa vie. À quoi ils ont servi, C'est entre ça. autres, au niveau psycho-affectif, parce que mais il y a de quoi par rapport à l'humain, à mes yeux, qui n'est pas intégré. Tu sais. Oui, ben moi, dans le fond, je suis pas un adepte d'elle, là. Ben, moi non plus. C'est pour ça que je l'ai lu d'ailleurs. Tu sais, moi, je vais pas lire la biographie de quelqu'un que j'adore puis j'admire. Je lis pas ça des biographies. Mais elle, j'étais intrigué. J'étais intrigué, puis on a affaire à quelqu'un qui a une libido anormalement forte. C'est pour ça que je parlais au niveau de l'endoctrinopsychologie, parce que c'est quelqu'un chez qui les glandes sont très développées, là, mettons. Puis, elle racontait quand elle était petite qu'elle avait des fantasmes que. Moi, même là, j'en revenais pas. Je veux dire, c'est spécial, là. On a affaire à quelqu'un qui a dû vivre des grosses affaires, c'est sûr. C'est sûr qu'elle a eu des gros conflits, puis bon, en tout cas. Mais il reste que ça explique plein d'affaires après quand on regarde aujourd'hui. Mais il reste que elle a suivi le processus logique dû à son milieu, puis son expérience, puis tout. Il n'est pas arrivé rien qui a créé des chocs pour transcender ça. Ça fait pas du monde qui pourrait me surprendre. Il n'y a pas une intervention au-delà de ça, là, de. Donc, est-ce que quelqu'un comme ça peut vraiment pondre quelque chose d'inattendu? Puis je penserais pas. Elle devient prévisible quand tu la connais, elle devient prévisible. Puis en passant, je connais un petit peu du monde dans le milieu juridique, là. Puis elle, son surnom, c'est la crise de folle. Parce qu'elle crie comme une malade, elle n'est pas capable de plaider calmement. Elle crie, puis les transcripteurs, puis tout le monde capote. C'est une maudite criarde. Ben Fait moi, que j'étais pas à son. l'aise avec. Tu sais, il y avait une émission où ce qu'elle faisait des jugements. Là, je pense que c'était TQS là, dans le temps. Là, j'ai écouté quelques reprises, puis j'étais pas à l'aise avec son approche. Là, je la trouvais agressante. Ben, c'est cette espèce de prétention à éduquer les gens. Puis d'une façon, moi, je le sens le mépris. Même si elle le fait comme si elle se pourrait aider, puis tout, moi, je le sens le mépris de classe, là. Puis tout, c'est sûr qu'à cette émission-là, mettons que c'est pas l'élite de la société qui va aller régler ses problèmes à la télé, là. Ben oui. Mais cette espèce de position de hauteur qu'elle prend, moi, ça, je suis pas capable. C'est pour ça que je me suis mis à parler d'elle, parce qu'il y a un lien à faire avec Bombardier, tu sais. Il y a quelque chose de ce genre-là. Puis ça, c'est que j'aime pas ça. C'est du monde méprisant, dans le fond. Ils se pensent à part. Puis ça, j'aime pas ça. J'ai horreur de ça. Le monde le plus intéressant que j'ai connu, souvent, là, c'était du monde que. C'était du monde bien ordinaire, là. Des fois, du monde quasiment illettré. À un moment donné, mon beau-père qui est décédé maintenant, ma mère essayait de le convaincre d'aller voter. Puis il a sorti une affaire. Mon ex-conjointe était là, puis il avait dit, parce qu'elle disait, c'est ton devoir de citoyen. Puis tu sais, moi, à mes yeux, ça n'a pas rapport, là, c'est subjectif, ça. Puis finalement, il avait répondu, mon devoir, c'est de me mêler de mes affaires, puis faire ce que je pense que j'ai à faire, puis c'est mon affaire à moi. C'est ça, mon devoir. Puis j'avais regardé mon livre, puis j'avais dit, tu sais, en voulant dire, c'est très intelligent ce qu'il vient de dire là, qu'il vient de répondre là. Pourtant, c'est un monsieur qui n'avait pas beaucoup d'instructions, mais c'était bien plus intelligent. Moi, ma mère, quand elle dit ça, c'est ton devoir de citoyen, elle fait répéter en perroquet ce qu'ils disent à la télé. Puis... Mais lui, ce qu'il avait sorti, ça venait de lui. Ça venait de lui, puis je trouvais ça intelligent. Il dit, mon devoir, c'est de me mêler de mes affaires, puis voir à mes affaires. Puis il dit, là, j'avais trouvé ça brillant. Je veux dire, il y a du monde, là, qui se pense au-dessus des autres, peuvent pas sortir de quoi d'intelligent comme ça. Parce que c'est vraiment intelligent. Ben non, ben c'est Alors, ça, tu sais, c'est parce que là, si on prend Denise Bombardier qui est au service de l'idéologie sanitaire, comme les autres chroniqueurs vedettes du Journal de Montréal, là, que ce soit Richard Martineau. Donc, tu sais, eux autres sont là puis sont soumis à une programmation, une idéologie. Fait que c'est sûr qu'ils n'auront pas des propos aussi individués que le monsieur auquel tu fais allusion, là. ah oui, ben c'est surtout c'est spontané. Là, il réfléchissait pas à qu'est-ce que les autres vont penser de moi, tu sais. Ou à l'image que ça donnait. Non, non, il répondit du tac au tac ce qu'il pensait, sans réfléchir à la perception qu'on en aurait. Puis ça a sorti là, la vibration bien plus haute là, que n'importe quel discours intellectuel, tellement que tu restes bouche bée, tu sais, tu peux pas l'astiner. Non, non, ben, je comprends très bien ce que tu veux dire, parce que l'intellectuel alourdi, puis c'est sûr que des gens qui avancent en âge, que ce soit Denise Bombardier ou autre, il y a toujours un bagage de mémoriel qui devient de plus en plus présent, qui fait en sorte que ça devient plus difficile à ce moment-là d'être spontané, là. Ah oui, ben comme sur le même sujet, j'avais dit, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, toi, tu vas-tu voter? Puis j'avais dit non. Puis il a dit, ben d'abord, t'as pas le droit de chialer. J'avais dit, ça a pas de crise de bon sens, ce que tu me répètes là comme un perroquet, puis que t'as entendu, je sais pas où, là. Parce que c'est comme si je disais, ben moi, je peux pas chialer contre la mafia parce que je suis pas d'un conciliaire, là, qui va voter quand ils font leur réunion à New York, là. T'sais, si toi tu t'es jamais mêlé aux affaires de la mafia, t'as pas à te plaindre d'eux autres, t'as pas à te prononcer, t'en fais pas partie ou t'as pas participé à ça, donc ta gueule. Ça revient à ça, dire à quelqu'un, ben si tu votes pas, t'as pas le droit de chialer. Pourquoi? C'est-à-dire que pour dénoncer un système que je désapprouve, il faut à tout prix que je me trempe dedans. Non, c'est ça. Il y a de quoi qui marche pas, qui est pas intelligent, qui est pas logique. C'est Pourtant, ça. c'est le monde répète en perroquet des affaires qui ont aucun sens, des concepts intellectuels, justement, que si tu regardes sans conceptualiser puis sans intellectualiser, tu le vois tout de suite que ça se tient pas. C'est niaiseux, c'est pas intelligent. Voyons donc, s'il faut participer à tout ce qu'on désapprouve pour oser se prononcer dessus, on n'a pas fini. C'est si on ne peut plus se prononcer sur rien, à moins d'apporter concrètement des solutions immédiates, on va fermer nos gueules et encore plus marcher vers l'abattoir sans rien dire. C'est là où cette espèce de tout ce qui est arrivé avec. Bon, avant, tu avais le cours classique, puis là, il y avait comment il fallait étudier la logique, puis là, monter un raisonnement, puis un argumentaire, puis là, la rhétorique, puis. Ça a été remplacé par ce qu'ils appellent les sciences sociales. Ça, là, c'est vraiment une destruction de l'esprit occidental, tellement tu te dis, il y a juste du monde qui veulent qui veulent pas que justement que la masse soit capable de se libérer par elle-même, de penser par elle-même, soit capable d'être créative puis de trouver ses solutions. Ça prend des esclavagistes pour détruire à ce point-là toute la pensée occidentale. Puis d'offrir aux masses des astines niaiseries qui ont fini par donner la pensée woke, qui est pas de la pensée, là. Mais non. Puis après ça, dire. Tellement que tu regardes du monde qui ont fait l'université, puis qui sont bardés de diplômes, puis tu te rends compte que c'est des épais. Puis Toi, t'as pas fait d'études de rien, t'as juste lu tes classiques. Puis tu te dis, ben là, je peux pas rien dire, t'sais, moi, je suis un trou de cul, je vais pas avoir l'air de quoi, t'sais, d'astiner ou d'oser dire de quoi à quelqu'un qui est plein de diplômes. Oui, mais ça vaut rien. C'est comme du carton-pâte, ça vaut. Puis c'est pas long, là. Si les gens, ils osaient des fois parler, puis ils osaient débattre, ils se rendraient compte que ce monde-là qui sort de l'université, ils sont pas capables de débattre. C'est pour ça qu'on arrive à Ben, il y des en a affaires du peut-être, là, genre. faut pas généraliser avec tous, Oui, il là, y en a, mais mais je parle les pires, là, mettons, là. Puis des fois, comme là, Denise Bombardier dit, les gens sont complets. Ah, oh, c'est complètement du monde totalement irrationnel. C'est pour éviter le débat. ben oui, pour justifier sa position en diabolisant l'ennemi, en disant qu'on peut pas y parler. Ben, il faut être dans une position où, si tu veux pas débattre, c'est parce que tu le sais que tu vas perdre ton débat. C'est ça, c'est qu'en réalité, la personne a implicitement peur, puis elle sait qu'elle est vulnérable. Ben, c'est parce qu'elle est malhonnête Ben intellectuellement. oui, c'est ça. Puis ensuite, elle fait de la projection, puis elle reproche aux autres d'être malhonnêtes. Ben oui, puis souvent, oui, c'est carrément, oui, ça c'est très juste l'affaire, le phénomène de projection, là. Ouais. C'est pour ça, justement, quand je la faisais, j'arrêtais pas de sortir un paquet d'insultes, là, d'extrême droite fondamentale. Puis après ça, je dirais, qui nous insulte. Puis, tu sais, pour Ouais, mais montrer, c'est ça. ça a aucun sens. Ben oui. Comme si je dis à quelqu'un, je veux pas parler avec toi parce que t'es pas assez intelligent. Puis là, dès que la personne, elle essaie de se défendre, je veux pas t'écouter parce que t'as pas d'argument, t'es pas capable d'en formuler correctement. T'es pas digne, tu sais, Là, habituellement, c'est juste parce que l'autre est dans un côté actif. Dans le sens, t'as tout le temps quelque chose du genre passif puis actif, tu sais. La personne qui va se mettre immédiatement dans une position d'être actif de même, d'une façon agressive, c'est pour garder l'autre dans de la passivité, parce que c'est le seul moyen. J'avais remarqué. Ben, implicitement, ça revient à contrôler le terrain puis désigner c'est quoi les rôles de chacun. Puis c'est ça, c'est un rapport stratégique à l'autre où, dans le fond, t'induis le rôle implicitement qu'il doit prendre puis l'amener à se conformer à ça. Ça veut dire qu'il faut avoir une crainte de. Comment je pourrais dire ça? C'est je laisse pas d'armes à l'autre parce que je le sais qu'il va les manier bien. Il va bien les manier. Puis il faut. C'est là que je considère, on la voit, la malhonnêteté. Ou des gens comme. Tu sais, je veux dire, comme dans ce genre-là, là aussi, là, à part Patrick Lagacé, puis il y a Anne-Marie Dussault. C'est incroyable le mépris. Mais je pense, c'est une vibration, ça se sent. Ça se sent. Puis, cette espèce de vouloir récupérer tout de suite, c'est comme à un moment donné, je ne suis pas un fan de Duet, puis je ne joue pas dans ses rangs, mais dès qu'il disait quelque chose, elle essayait de récupérer tout de suite, là. Puis, cette espèce de façon de. Non, ça se voit tout de suite. C'est pour ça que l'affaire, la solution, il faudrait commencer par y voir, là. Ouais, voir ce Voir le qui se plus passe. En possible. fait, le recadrage que je peux faire, c'est que bon, il y a des gens qui veulent des solutions collectives par rapport à des problèmes collectifs, mais en même temps, ça peut être une solution individuelle face au collectif, dans son rapport individuel à la collectivité. Ben c'est ça, c'est parce que si tu as plus en une addition d'individus qui voient quelque chose, ça va finir par aboutir à du collectif. Avec une masse critique. Ben oui, puis il n'y a pas d'autre façon, là. J'en vois pas d'autre façon, à moins d'avoir un talent extraordinaire d'orateur, puis un charisme extraordinaire, puis venir à bout de. Mais habituellement, quand il y a quelqu'un qui se manifeste comme ça, il se fait tuer. C'est pour ça, là, Ben, il y que a eu c'est. Kadhafi, là, en Libye, justement, on en avait déjà parlé, l'autre enregistrement, qui apportait une réforme dans les pays là, en Afrique. Puis, dans le fond, il a été tassé du pouvoir, puis il a été diabolisé, alors qu'il améliorait le niveau de vie là, des gens en Libye. Ben c'est ça, c'est toujours une histoire d'intérêt, puis de stratégie, puis en tout cas, mais tout ça pour dire l'affaire, là, ce qui se passe là, en ce moment, là, à Ottawa, C'est clair à mes yeux. J'y crois pas, dans le sens que le fait, là, l'idée, là, d'un gros événement de même, là, organisé d'une façon totalement spontanée, sans qu'il y ait de l'influence, puis du monde qui tire des ficelles en arrière, puis que finalement, il va avoir une façon de jongler avec ça pour. Oh, je veux dire, je suis pas assez naïf, puis avec le temps, à force d'avoir étudié des événements du genre, puis. J'ai un cousin qui, lui, il est devenu psychologue. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la psychologie conventionnelle. Puis moi, ça me tentait pas d'aller étudier premièrement, parce que, tu sais, moi, aller à l'école, ça veut dire pour moi m'astiner tout le temps. Ça me tente pas. Mais la psychologie qui m'intéressait, c'est pas cette psychologie-là, c'est ce qu'on appelle la psychologie de masse. La psychologie des foules. Puis ça s'enseigne pas à l'université. Pour toutes sortes de raisons, là. C'est comme les manœuvres, certains types de manœuvres, puis comment justement. Ben, c'est parce que ça dépend, là. Peut-être au niveau sociologique, ils vont parler, par exemple, du fonctionnement, de la gestion des masses, là, en Russie, au niveau, ensuite, du communisme, en Europe, puis des choses comme ça. Ils vont tout le temps parler, comment je pourrais dire ça? Oui, ils vont en parler au niveau de la sociologie, mais ça, ils vont tout le temps parler des effets. Mais ils expliqueront jamais que les causes sont coordonnées. Ils parleront jamais des techniques. C'est pour ça que si tu prends une des rares personnes qui en a vraiment parlé grand public, à part Machiavel, t'as Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, chez les universitaires français, il n'est pas très cité, puis on n'en parle pas dans les universités, il est tabou. C'est un des penseurs français les plus tabous. Parce que justement, Gustave Le Bon, ça va plus loin. Ça va plus loin, c'est plus que c'est le père de la sociologie, mais pourtant, on n'en parle pas. Je veux dire, il est devenu quelqu'un de tabou. C'est extrêmement difficile de trouver ses livres. J'ai réussi à trouver la psychologie des révolutions. Puis j'ai eu tellement de misère, il a fallu que je le fasse venir des États-Unis. Puis là, je parle d'un livre imprimé en français. Il n'était pas imprimé dans la francophonie ailleurs. Il a fallu que je le fasse venir des États-Unis. Puis j'ai eu de la misère, puis ça m'a coûté cher. Parce que ça a donné que. Mais c'est du monde. C'est du monde d'un certain. C'est pas les universitaires conventionnels qui vont vraiment s'intéresser aux causes de ce, puis aux techniques. Comment provoquer des mots. On va nous expliquer la mécanique des mouvements de foule, mais de la façon de les provoquer puis s'en servir, ça, c'est tabou. C'est facile à comprendre par après pourquoi c'est pas réellement enseigné. Pourquoi. Ben, c'est sûr que C'est-à-dire. si ça serait enseigné, on verrait clair dans le jeu de certains dirigeants. Ben c'est ça ne marcherait plus. Fait que. Puis moi, c'est ça qui m'intéressait. Mais l'affaire, c'est que tu as une partie de ces sciences-là qui est enseignée un petit peu dans le marketing. Tu as une autre partie qui est enseignée un petit peu en psychologie. Tu as une autre technique. Tu as d'autres affaires, d'autres aspects, c'est enseigné un petit peu en sociologie. Mais finalement, la vraie discipline, si on l'apprend, là, qu'on arrête de la fragmenter en spécialité, là, puis on la ramène, là. Elle n'est pas enseignée nulle part. C'est juste, il y a certains livres que ça parle de ça spécifiquement, mais c'est des auteurs tabous. C'est super difficile de se faire venir les livres. J'ai eu bien de la misère. Puis c'est un peu comme tout ce qui est les penseurs de synthèse. Je veux dire, même par rapport quand j'étais arrivé dans de quand j'étais dans des cercles de philosophie. J'étais extrêmement surpris de me rendre compte que les vrais penseurs les plus frappants, les plus simples, que c'est pas de l'élaboration, là, à pu finir, c'est clair, clair, c'est précis, ça va direct au but. Ils en parlent pas. Ils sont pas connus. Je veux dire, c'est comme si c'était vu comme. Même des fois, je disais, c'est bizarre ça, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'intérêt pour ça. Puis là, c'était tout le temps des réponses genre, ah, oh, vous savez. Ou bien on va essayer de noyer le poisson à un moment donné sur un cercle de philosophie, sur un forum, sur Internet, puis ça fait peut-être en 2011, je dirais, 2010-2011, je m'étais mis à parler de l'hypnose de masse. Il est tout de suite arrivé un universitaire suisse, puis pas n'importe qui, là, un historien de l'histoire de la philosophie qui était venu m'expliquer que l'hypnose, c'était purement des techniques, par exemple, pour des thérapies ou pour des traitements, que c'est impossible d'hypnotiser quelqu'un contre son consentement, puis toute la vieille. Pourtant, Bien, c'est sûr qu'il faut mettre des nuances à ce niveau-là, dans le sens que si, admettons, quelqu'un consulte en hypnose, puis la personne, dans le C'est fond, pas de ça que je parlais, moi. ouais, bien, c'est sûr que j'en venais là. Tu sais, c'est ça l'affaire. Lui, il était là pour expliquer que ce que je disais, moi, ça n'existe pas. Pourtant, il y a des exemples concrets que ça Ben existe. oui. Puis, il était là pour ça. C'est là que j'ai compris. Je dis, il est venu pour moi, j'ai été spoté par du monde, puis ils me l'ont envoyé. Puis, après, quand j'ai regardé c'était qui ce bonhomme-là, j'étais surpris. C'est quelqu'un qui est considéré comme un grand intellectuel, qui a écrit plusieurs livres. Puis, comment il s'appelle? Christophe Calame. Le professeur Christophe Calame, un historien de l'histoire de la philosophie, un Suisse. OK. Quelqu'un de très brillant. Puis il était tout le temps, il était très psychologue, genre il admettait tout le temps que oh, vous êtes brillant, vous êtes un tellement que je suis devenu agressif moi quand on me complimente. Tout de suite j'ai peur de me faire manipuler. Dès que quelqu'un dit oh, vous êtes blablabla, tout de suite genre ok, tu sais j'ai Mais ça peut être une tactique pour t'amadouer. c'est ça. Mais c'est Puis sûr que lui lui, il était peut-être juste focusé sur l'hypnose au niveau psychologique, puis il manquait d'ouverture sur justement l'utilisation de masse ou collective. J'ai jamais su. D'après moi, il y avait quelque chose d'autre parce que c'était simple là, ce que j'expliquais. J'en parlais au niveau la politique, entre autres. Comme quand tu te sers des passions primaires, puis que tu t'en sers pour créer, tu t'envoies l'énergie, tu donnes tu vas te servir de certaines choses primaires qui sont enfouies très profondément chez les gens, mais les gens, c'est pas conscient. Puis Oui, après ça, c'est les mêmes techniques qu'on voit en ce moment, là, je veux dire. ben oui, ben Puis c'est tu t'en comme sers pour faire des inductions répétées. Puis je exactement. donnais des exemples concrets. Puis lui, ça, il voyait pas. C'était pas de l'hypnose à ses yeux. Mais oui, c'en est parce que t'as de la suggestion. C'est de la suggestion. Puis ça sert aussi, c'est structuré. Faut que tu répètes. Faut qu'il y ait une structure. On sait de l'hypnose. C'est des techniques d'hypnose. Ben Mais. oui. Présentement, on subit une des plus grandes expériences d'hypnose de masse en lien avec la crise de la COVID, étant donné que, à la différence de l'Allemagne nazie où il y avait juste la radio, on a à la fois la radio, la télévision, la presse écrite, puis les réseaux sociaux, puis le téléphone intelligent qui envoie des notifications à tout moment de la journée. Ouais, même encore aujourd'hui, j'ai jamais utilisé l'heure, puis j'en veux pas, puis même des fois, j'écoute quelque chose, là, puis il y a quelqu'un qui pitonne à côté de moi, puis là, je me lève, puis je m'en vais. Parce que je ne suis pas capable d'endurer ça. Dans le sens que c'est tous des outils, je le sens hein, quand quelqu'un perd de la présence, puis qui. Mais. Tu sais, c'est comme là, au niveau de l'hypnose de masse, premièrement, faut que tu te serves des vieilles structures de l'âme humaine qui sont. Qui tu sais, que ça se perd dans la nuit des temps, qui sont les pulsions de mort, les pulsions de vie. Puis après, il faut que tu te serves de certains principes comme le surmoi, la culpabilisation, des choses comme ça. Donc, avec ça, tu peux faire agir quelqu'un d'une façon totalement irrationnelle. Genre, y faire réaliser. Y faire exécuter un rituel, genre se mettre un masque en y faisant croire que ça sauve des vies. Là, au niveau de l'inconscient, le surmoi embarque, puis inconsciemment, la personne peut sentir un malaise à pas le faire parce que au niveau de l'inconscient qui est polarisé, ça revient à tuer du monde de pas le mettre. Puis, tu sais, c'est tous ces mécanismes-là qui sont sous une surface, puis c'est bien, bien simple, là. C'est Ben juste, oui. c'est sombre. Ça se perd dans la nuit comme de l'enfance de l'humanité. Tu peux faire faire de quoi à n'importe qui, tu peux y faire faire n'importe quoi. Il s'agit de jouer avec ça, les pulsions de vie, les pulsions de mort, ses instincts primaires, le surmoi, la culpabilité, le refoulé, là, la personne n'a même pas à être consciente de ça. Ben non. Puis Pour être bien, il va falloir qu'elle se mette son masque pour aller prendre une marche dehors. Elle va se mettre un masque d'en face pour chauffer son char et être seule dans le char. Ça n'a aucun sens. Elle est en train d'accomplir un rituel qui est lié justement à encore un autre niveau de programmation C'est parce que ça. ça devient une amulette psychologique de Exactement. soumission à. Ben moi, j'appelle ça C'est la religion tout est. sanitaire, c'est-à-dire qu'on a des nouveaux Ah oui. rituels qui sont substituts à la religion qui est en baisse de pratique. Donc, au lieu de prendre l'hostie puis communier avec Jésus, ben là, les gens vont prendre leur injection pour communier avec, dans le fond, j'allais dire l'identité numérique, parce que c'est ça qui permet de renouveler éventuellement le passeport. Et donc, il y a un paquet ben, mettre le masque, t'sais, dans figure, c'est un petit peu comme la religieuse qu'il faut qu'elle mette son voile, t'sais. Ben oui, parce que c'est ça, là, on est dans le virtuel, on n'est pas dans le réel. Puis c'est lié à cette espèce d'intermonde-là qui est créé. C'est là qu'il y a une structure de mie pour détourner l'énergie du monde. Mais toutes ces techniques-là, je veux dire, c'est tellement évident, c'est tellement vieux comme le monde. C'est comme tous les régimes totalitaires ont toujours voulu justement s'approprier le pouvoir des religions puis fusionner ça avec l'État. Comme. Dans le temps, qu'il avait remplacé Dieu par Hitler, puis la Bible par Mein Kampf, puis les prêtres étaient rendus les SS. Puis dans le fond, c'est pas pour rien qu'il employait des rituels quasi religieux, puis que ça avait un côté religieux. Puis c'était lié justement après, quand que les soldats de la Wehrmacht ils faisaient leur serment, ils se mettaient les doigts pour. Tu sais, c'est lié à Odin, puis ça se perd dans la nuit des temps du mysticisme germanique. Mais tout ça, c'est parce que ceux qui emploient ces techniques-là, ils savent que l'âme collective existe. Parce que, tu sais, même si Jung y avait effleuré ça, il n'en a pas parlé occultement comme d'autres des gens plus initiés au niveau de certaines techniques occultes le connaissent. Mais si tu comprends l'âme d'un peuple, tu peux faire n'importe quoi avec. Mais ça va durer un temps, en tout cas, ou bien il peut arriver de quoi qui est de l'extérieur qui va rompre le charme. Oui. Mais c'est comme les Canadiens français, c'est pas pour rien que les techniques qui nous sont imposées sont pas les mêmes que dans le reste du Canada. L'âme n'est pas pareille, tout à fait. Il y a une petite différence. On n'est pas assez mixé encore avec les autres. Puis c'est pas après ça, le monde se demande comment ça se fait qu'au Québec, on est dans les plus obéissants. On est dans les plus obéissants de la planète aux règles. Puis on se fait traiter comme si on n'était pas obéissant, là. On est Ben traité comme si oui. on était un peuple d'indisciplinés. On est dans les plus vaccinés au monde. Ouais. Au monde, on a les pires résultats. Puis il n'y a personne qui allume. Faut qu'il y ait un charme, là. Faut qu'il y ait ce qu'on dit, ce que. C'est Parce ça, qu'un là. charme, c'est pas de la magie. Un charme, c'est du magnétisme, puis c'est Ben, c'est un l'hypnose. choc du réel, dans le sens que le champ va être rompu quand les gens vont réaliser que finalement, l'histoire de la vaccination, au Québec, on est vacciné au-dessus de 90%, on a eu les plus grandes mesures sanitaires, puis finalement, le bilan, quand on compare avec d'autres endroits qui n'ont pas eu de mesure, que ce soit dans le sud des États-Unis ou même la Suède qui est proportionnelle au Québec en termes de population d'à peu près 8 millions, ben c'est pas mieux. Puis il y a des endroits qui ont eu moins Ben de non. mesures, puis finalement, le résultat est pas mieux. Alors, à un moment donné, il va falloir que les gens allument. Fait que dans le fond, la Bombardier, elle va inverser les rôles en disant que ceux qui se rendent compte que ça n'a pas d'allure, eux autres sont totalement irrationnels. C'est ça, puis c'est des complotistes édentés et ainsi de suite. Ben oui, fait qu'elle, ça devient une sorte de sorcière qui maintient le charme. Exactement, dans Fait que. l'envoûtement psychologique astral, dans la doctrine sanitaire sacro-sainte qui remplace autrefois la Sainte Église catholique. Moi, ben, tu sais, je veux dire, au moins, l'Église catholique, elle allait vers un renforcement social réel, pas vers une dissolution dans l'espèce de lubie de reconstruire d'autres choses. Tu sais, l'idéologie, là, je ne sais plus trop quand ils disent ça, là, build back better, là, Ouais. on va reconstruire en mieux. L'Église catholique, au moins, c'était, tu sais, rester des familles fortes, puis. T'sais, même au début, il était contre la conscription, puis au moins il y avait quelque chose de vouloir un maintien de. Mais là, on est dans une sorte de religion où tout ça s'est inversé, là. Tout va vers systématiquement détruire la famille, tant qu'à moi, là, ça va vers ça, qu'on le veuille ou pas, là. Puis Tout va vers faire, faut perdre l'identité nationale, entre autres, là, parce que c'est raciste. Puis finalement, là, on est rendu dans une forme si le catholicisme, c'est réellement un christianisme, pas parfait, là, au contraire, puis astral pareil, là, comme toutes les religions, mais là, on est en train d'entrer dans une sorte de religion mondiale qui est une sorte au fond, d'inversion. Donc, qu'on le veuille ou pas, puis qu'on prenne les termes comme ça ressemble à une forme de satanisme. Je peux pas le voir ça autrement. C'est des forces de dissolution, de division. Oui, ben c'est paradoxal parce qu'au nom de la mondialisation, au nom d'une idéologie qui supposément internationaliste viserait à réunir les peuples avec des paramètres communs, avec des instances comme l'Organisme mondial de la santé, l'ONU, etc. Ironiquement, ben ça mène, comment dire, moi, à mon avis, plus de dégâts que de. En tout cas, que les promesses qu'ils nous font d'un monde Ben, meilleur avec ça, là. c'est ça, au lieu d'une vérité qui divise, que s'est montré de même les anciennes façons de voir, là, ça va être un mensonge qui unifie tout. Ben, c'est Puis ça ça. s'en va vers ce qu'on y a peut-être appelé dans ce qui est écrit dans l'Apocalypse, l'apostasie généralisée. Dans le sens que c'est une apostasie, c'est-à-dire une négation, mais généralisée. C'est-à-dire que finalement, il n'y aura plus de nation. On va tout être unis dans de la dissolution puis du vide identitaire. Puis Qui va être finalement, comblé par l'identité numérique, parce que la nature a horreur du vide. Fait que ouais. chaque citoyen sur Terre va sans doute avoir son identité numérique puis son crédit social. Ben oui, puis c'est sûr que ça ne correspond pas aux besoins de l'âme humaine, ça. Ça peut juste avoir une fonction liée au contrôle. Fait que Social. ça revient à vendre son âme. Ben c'est ça, ça me fait penser à, il y a des dirigeants qui vont dire, ah, ils ont besoin, les gens, entre autres en Afrique, d'une identité numérique. Tout le monde sur Terre, c'est urgent, il faut qu'il y ait une Ben identité, oui. qu'il soit retraçable partout. Puis Christ, t'as des gens qui meurent de faim là-dedans. Ben oui, j'ai vu ça, il disait, c'est inacceptable. En Amazonie, il y a des gens dans la jungle, des tribus, ils ont pas de numéro d'assurance sociale. Fait que si jamais ils se cassent une jambe, on peut pas les aider, t'sais. Je dis, ben voyons donc, ils vont me faire croire que c'est par altruisme. C'est tout le temps par altruisme, l'humanisme, là. Oui, le Non, pseudo-humanisme, ouais. ce qui se cache derrière l'humanisme, c'est le contrôle. Moi, je Ouais. le vois comme ça. Ben oui. Juste le numéro d'assurance sociale, ça revient à. Tu sais, dans le temps, il disait, ben pour vendre ton âme, il fallait que tu signes. Ben, c'est disaster. T'sais, tu vas carrément signer avec ton ADN, puis ton empreinte digitale, puis c'est ça, signer avec ton sang. Fait que là, dans le fond, toutes les vieilles affaires d'antan qui passaient pour des lubies, ça devient de plus en plus concret, mais ça prend pas les formes qu'on pensait. Mais il reste qu'il semblerait que les intuitions passées étaient vraies. À moins qu'on l'interprète de même subjectivement, je ne sais pas. Mais il reste que, moi, à mes yeux, là, de mettre mon ADN dans une banque de données, puis que mon identité va être liée à ça revient à signer de quoi avec mon sang à une grosse bébite qui va être une espèce de contrôle total. Fait que je vois pas où la différence entre ça puis vendre son âme. Pour l'éternité, là, je veux dire, Ben cette oui. affaire-là va me survivre. C'est ça, tes données personnelles qui sont entreposées dans, mettons, un ordinateur avec du big data. Tu sais, c'est un petit peu comme les archives du plan astral qui survivent à l'incarnation de l'âme. C'est un peu le même principe. Ben oui. Puis en plus, c'est même pas fiable, ça se déforme. Ce qui est archivé, se déforme. Ben oui, En tout les fichiers cas, peuvent être corrompus. ben oui, fait que là, ils vont pouvoir jouer avec la mémoire collective pour enligner l'énergie selon ce qu'ils veulent dans le présent puis le futur. C'est extrêmement dangereux. Ben oui, c'est un individu, il l'aime pas. Ah, monsieur, vous avez plus d'argent sur votre compte. Fait qu'ils font disparaître l'argent. La personne ne peut plus acheter dans aucun pays si tous les pays sont régis par ça. Puis là, s'ils essayent de prouver que, ben oui, mais vous me l'avez enlevé, puis ils vont dire, ben on n'a aucune archive qui démontre que vous aviez de l'argent. De l'argent que vous parlez qui a disparu, on n'a aucune trace de tout ça, vous fabulez. Fait que Exactement. là, tu peux plus rien prouver. Tu peux plus rien. C'est ça, l'argent numérique, avec la dématérialisation, de l'élément, ben là, ça devient purement des chiffres dans un compte qui apparaissent ou disparaissent, là. Ben là, c'est parce que, dans le fond, c'était de la dissolution totale, puis là, on entre dans le monde de la magie, là. Tu sais, Solvay Coagula, puis tout peut être reviré de bord, puis la lune puis le soleil s'équivalent, puis tout s'équivaut, puis gauche-droite, tu peux revirer la carte de bord, puis on est en train d'entrer dans un monde c'est de la magie noire. Moi, je vois, parce que, dans le sens que c'est de la domination puis du contrôle. En tout cas, il semblerait que c'est drôle, hein, parce que c'est comme un vieux vocabulaire, mais il reste que c'est de plus en plus ça, là. Ben, il y a un En tout cas. adage qui dit plus ça change, plus c'est pareil. Donc, c'est un petit peu paradoxal. Mais étant donné que le temps file, puis ça fait presque 3 heures que nous parlons ensemble. Il faut que j'aille manger. Bon, ben, c'est là que j'allais en venir aussi de mon côté. Et pour compléter l'enregistrement, bon, c'est sûr, Annick, ma question de base par rapport, parce que souvent, tu apportes un regard critique sur plein d'éléments. Bon, ben, l'histoire des solutions collectives, finalement, il n'y en a pas, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Ah, solution. moi. Moi, c'est ça. Fait que, en réalité, ça revient au principe que Ah non. chacun s'occupe de lui-même, puis qu'il définisse par lui-même comment il se positionne face aux problèmes collectifs. Ben là, c'est comme ce qu'on décrit là. Tu sais, qu'est-ce que tu vas avoir comme autre solution que toi et commencer par ben moi, je signe pas de contrat avec ça. Ou bien je prends pas l'injection à la base. T'sais, si je suis pas d'accord avec le Ben, c'est système ça. d'identité numérique qui s'y rapporte, puis potentiellement le crédit social, bien à la base, je nourris pas ça ou la personne qui est injectée 2 doses apprend pas la troisième. Ben oui, puis de toute façon, il y en a plusieurs que je connais là, qui se sont rendus à la deuxième et ça va s'arrêter là. Puis je pense que là, ils sont convaincus, là, parce que, en tout cas, il y a une commune que je connais, là, elle a vraiment été, elle file pas bien. Là. Fait que, finalement, c'est là que ça peut s'essouffler, puis eux, ils n'auront pas le choix de revirer ça de bord, de changer leur tactique, au moins, là. Mais, en tout cas, tu sais, si un par un, on dit non, ben là, c'est déjà un début. Que de trouver une solution magique pour que tout le monde dise non, ça marchera pas. Non, exactement. Sinon, pour ce qui est de l'éjection multiple, j'écoutais récemment Éric Duhaime qui avait parlé avec un microbiologiste qui s'appelle Bernard. Puis lui, ce qu'il expliquait, c'est que dans le fond, plus que d'injection, plus que l'immunité de la personne diminue. Ben, c'est ce que je pense aussi, puis ça va dans le sens que je pensais que c'est dans l'intérêt de ces lobbies-là de faire ça. Parce que quelqu'un qui n'a plus d'immunité naturelle, il faut y en vendre une qui est synthétique. Il est rendu dépendant Exact. d'une science qu'on lui vend. C'est comme. C'est sûr, moi, si j'étais un vendeur de. Quand tu es un vendeur de béquilles, tu as envie de casser les jambes à tout le monde puis que ça guérisse pas. Je le vois un peu de même. Non, ben, je comprends très bien. Là, c'est sûr que ça peut devenir un petit peu pervers, dans le sens qu'à un moment donné, si on a intérêt à vendre d'autres vaccins, bon, ils ont peut-être intérêt à ce qu'il y ait d'autres fuites mystérieuses de laboratoires qui s'opèrent un peu partout dans le monde, puis d'autres virus circulent. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu te poses la question, si ce n'est pas les entreprises qui font les vaccins, qui n'auraient pas intérêt à ce qu'il y ait régulièrement des virus qui circulent. Ben, comme en informatique. Tu sais, je veux dire, il y a bien. Ils vont tout le temps te vendre un antivirus pour les nouveaux virus de qui se promènent sur l'Internet cette année. Fait que dans le fond, ils ont été. C'est ça, dans le fond, c'est pour créer un dynamisme qui tourne en rond. Mais là, le monde voudra une solution miracle pour arrêter ça là. Ben, tu sais, à part. Je veux dire, s'il y en a, ils veulent vraiment une solution là, drastique, là, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde, ça va faire du monde qu'ils ne seront pas capables de gérer la souffrance psychologique expérimentale, puis ils risquent de se suicider. C'est pour ça, là, d'une vision de même, j'ai bien de la misère avec ça, c'est dangereux. Non, je Donc. comprends, parce que ça peut créer un contre-choc que la personne n'est pas capable de contenir, puis elle peut sombrer dans un état de dépression. Donc, c'est sûr que si la personne croit qu'à Ottawa, que si les gens manifestent, toutes les mesures vont tomber comme par magie, elle peut vivre un choc de réalité très grand, là. J'ai remarqué ça, les gens là, qui veulent se créer des espoirs puis qui courent après, ils finissent tout le temps par vivre le désespoir. C'est comme vouloir le bonheur à tout prix, ça, le monde, ils finissent par être malheureux. Fait qu'il y a tout le temps, c'est ça la polarité, il y a tout le temps un prix à payer pour la polarité. Fait que là, le monde, s'ils veulent de l'espoir puis des solutions, ils vont se réveiller avec des problèmes. Puis du Ouais, désespoir, ça ça fait crée, c'est partie de. paradoxal. Ouais, c'est ça fait partie de la bipolarité. C'est comme quelqu'un qui cherche trop la vérité, ben, elle va être confrontée au mensonge. Ben oui, alors que tout ce qu'on a à faire, c'est d'être. C'est pas dur, là, finalement, pour finalement voir ce qui se passe, c'est justement pas avoir d'appréhension, puis observer d'une façon passive, puis avec le moins de. Être le moins subjectif possible. Donc, souvent, c'est les gens qui cherchent pas, qui voient. Ça leur saute d'en face. Exactement. Donc, on Bah, ben, va. ce serait mon mot de lapin. Mon mot de lapin. Non, Mon c'est mot de ça, de la lapin. fin. Donc, ben, c'est ça, on va conclure là-dessus et je rappelle aux gens qui nous écoutent que si vous avez envie d'écouter d'autres enregistrements avec Bertolt, ben, j'en ai fait avec lui là, sur plusieurs années. Vous allez pouvoir en retrouver d'autres sur ma chaîne YouTube ou si vous voulez, en écoutant MP3, là, il y en a au-dessus de 150 là, que j'ai dans ma bibliothèque audio là, sur archive.org, dont vous avez le lien. Donc, vous en avez pour plusieurs heures et vous avez aussi naturellement là, sa chaîne YouTube que vous pouvez consulter où il va faire là, des vidéos, notamment des lives où il va prendre les questions, les commentaires du public. Et sinon, pour ceux et celles qui apprécient particulièrement mes enregistrements, eh bien, vous êtes toujours les bienvenus pour me faire une contribution financière en support à mes activités de diffusion web qui me permet, entre autres, de communiquer des éléments d'information que vous n'allez pas nécessairement retrouver dans les médias officiels, comme des, en tout cas, des propos qui vont d'une manière différente d'appréhender la réalité ou qui sont en dehors du narratif officiel en lien avec la gestion de crise. Donc, en tout cas, s'il y a des gens qui veulent me soutenir en ce sens, vous avez des informations à ce sujet en bas de l'enregistrement, les coordonnées de mon compte PayPal et Interac. Et sinon, ben écoute, Bertol, comme à l'habitude, je te remercie pour cet entretien que tu m'as accordé. Bon, ben, au revoir. Excellent. Donc, salut tout le monde et à bientôt.